vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On fera une dégustation croustillante dans notre segment culinaire cheap, une grosse pointe d'adresse. Et Tania nous jasera de bouffe, de santé, de resto et de vin dans sa chronique. Tania's gonna entertain ya. Ça va être bon à s'enlicher quelque chose. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 3 juillet 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien. Remis de tes émotions, de ton déménagement, toi. Oui. Il s'en est passé des choses. Ben, je sais pas si t'as remarqué, Mathieu, mais j'ai plus d'ongles. Ah, non, j'avais pas vu ça. C'est les produits nettoyants et les déménagements, c'est les manicures et tout ça, ça fait pas bon ménage. Wow, donc t'es rendue une fille minimaliste. Non, je suis juste, je me sens tout nue présentement. Là. Grano, ouais, c'est ça. Ça te va bien, ça va très bien. Ah, c'est ça, merci. Donc, ton déménagement est terminé, donc tu nous parleras pas de ça dans ta chronique. Non, c'est ce que je comprends. Exact, c'est on, bien. On c'est parlait bien de quoi aujourd'hui? De bouffe, c'est quoi ça? Ben, tu l'as dit tout à l'heure, on a quand même beaucoup de sujets, donc on pourrait y avoir peut-être 3 chroniques aujourd'hui pour Tania is gonna entertain ya. Je vais vous parler de resto, je vais vous parler de bouffe. Je vous parle aussi d'aliments qu'on peut retrouver à travers le Canada en entier, parce qu'on sait cette année, le Canada fête ses 150 ans. De la Confédération, oui, de nommer ça le Canada. Exactement. Oui. Donc, je vais vous présenter une couple de trucs qui a pas nécessairement ailleurs, mais qu'on retrouve ici au Canada. Puis, on va parler de vin aussi, mais avec une touche de féminisme. Tu vas voir. Aïe, aïe, tout ça en même temps, mais dans 3 chroniques différentes. Exactement, tout faire... ça dans l'émission d'aujourd'hui. On va essayer. Oui, une par heure, une chronique par heure. On va faire ça en alternance aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je te présente, évidemment, pour commencer, du sexe, mais ça ne devrait pas là, avec des gadgets inutiles. On devrait faire les instructions d'assemblage aussi, avec des petits conseils de vie, et on va finir avec une grosse pointe d'adresse. Donc, tout ça dans l'émission d'aujourd'hui, ça devrait rentrer. D'après moi, on n'a pas d'autres invités. D'après moi aussi, tout devrait bien aller. Puis, le jeudi, c'est souvent, comme tu l'as dit, on a la chronique qui a une grosse pointe d'adresse. Mmh. Donc, je me suis dit, ça fit, hein? Parler de bouffe, parler de vin, parler d'été, parler de santé. Ah, je trouve que le jeudi, c'est bénéfique pour ça. Ah, ça va être génial. On va avoir plein de plaisir ensemble. Justement, avant de commencer l'émission, mangeons un petit peu dès le départ avec la formation Fudge. Ah oui! Voici Satan! Sur les 89 FM. C'est fou! Mmh. Jusqu'à l'automne, je veux jamais. Si ce feu est vert, tu te peux sauver de l'hiver jusqu'à l'automne. Je veux jamais laisser Satan. Non, c'est pas Satan que j'aime comme ça, c'est le fudge. Satan, il est correct, je tolère. C'est correct. J'en ai pas trop, pas trop de problème. C'est tes amis. C'est ça, mais il m'a poké, je pense, sur Facebook. C'est ça. Hey, c'est quoi, les gens sont venus à faire les pokes? Ben non, c'est parce que, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vidé ma... Ta boîte de réception de pokes. C'est ça. Ouais. Non, la balle est au hello. Tu fais hello à quelqu'un, ouais. L'autre te fait hello back, là, tu l'ajoutes comme ami ou tu y écris. OK. Apparemment que c'est la nouvelle mode. D'accord. Pas pire, hein? T'assures à ça? On va se faire des hello. C'est ça. On va s'acheter des choses en même temps. On va faire « Hello, veux-tu acheter ça? » Puis on va faire « Hello, oui, je te donne de l'argent en échange. » Donc voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Oh là! Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. La chronique, on s'achète des choses sur Internet et on le regrette aussitôt qu'on la voit apparaître quelques jours plus tard dans le compte de la carte de crédit. Ça toujours un fort. Délai. Hein. 2017, toujours des délais sur ces affaires. Bref, donc on commence aujourd'hui avec un petit parapluie. Un parapluie, c'est toujours utile l'été. Ça me manque, j'en surtout ai pas. Surtout ici au Québec. Surtout au Québec, où il pleut la plupart du temps. Oui. Ça, il y a en Grande-Bretagne. On devrait faire, nous autres aussi, un Brexit. Un Brexit. Oui. Donc, un parapluie qui se rangeait dans une bouteille. OK. Pourquoi pas? Donc, c'est tout ce que c'est. C'est un parapluie Deadpool qui se range dans une bouteille de sauce piquante. Ouh! Donc, c'est un parapluie de base. Ça tourne à l'extérieur, arbore un beau dessin de votre héros de Deadpool préféré là, en train d'avaler un chimichanga. Donc, le parapluie Deadpool chimichanga coûte habituellement 19$ US. Si ça vous intéresse, il se met dans une bouteille. Dans le fond, quand tu le réduis, quand tu le refermes, il rentre dans ce que là, une bouteille de sauce piquante. OK. Pas pire? Un bout de plastique que tu fais après. Moi, bof, hein? Un petit peu bof. Je vais essayer de faire mieux avec le prochain, avec Pornhub, qui s'engouffre dans la masturbation connectée et interactive. Pardon? La masturbation connectée et interactive. Est-ce que t'es sérieux? Ouais. OK. Il y a un domaine où les nouvelles technologies sont utilisées pour des fins plutôt inattendues, comme dans celle de la pornographie et des sex toys. Mm-hmm. Ici, donc, bon, on parle entre autres de la Fleshlight, là, spécialisée dans les masturbateurs masculins. Ils ont lancé en mars dernier un masturbateur automatique. Mais non. Ça peut se connecter à l'ordinateur pour se synchroniser avec du contenu pornographique pour une expérience interactive. Pornhub, qui est le site spécialisé dans les vidéos de 3X, a décidé de s'engouffrer dans ce nouveau domaine. Donc, le site Pornhub a lancé en juin une nouvelle catégorie pour les vidéos pornographiques hébergées sur son site. Ça s'appelle les vidéos interactives. Elles sont censées être utilisées avec donc la Fleshlight Launch ou le Kiro Onyx, ainsi que les autres futurs masturbateurs synchronisables. Ça va devenir quelque chose. Ça va devenir quelque chose. Oui, mais là, attends, là, vas-y, continue, puis après, okay. On en parlera. Ça nous dit que c'est pas une nouvelle idée. Fleshlight qui avait déjà pensé par le passé, mais ce qui est nouveau, c'est l'association avec Pornhub. Les créateurs de films peuvent désormais proposer une interactivité à ceux qui les regardent, donc une nouvelle dimension pour le plaisir solitaire. Plaisir solitaire, qu'il soit masculin ou féminin, nous dit-on. Et les vidéos en réalité virtuelle commencent à prendre de l'ampleur à mesure que les casques se démocratisent. Fleshlight Launch coûte 230 euros, nous dit-on ici. Le Kiro Onyx est disponible avec un vibromasseur également connecté, qui est le Pearl pour les couples. Wow. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je vois pas vraiment pourquoi tu pourrais pas le tenir juste dans tes mains au lieu que ça soit interactif comme ça. Ben, tu peux assouvir tes fantasmes de regarder des choses dans ton... je sais pas. Chez vous? Ouais. Mettons? Ouais. Ben, la petite vidéo là qui est sur assemblagerequipe.com vous montre que... Comment est-ce que je pourrais bien expliquer ça, en fait? C'est comme... C'est dur à expliquer. On dirait que je vois pas trop comment ça fonctionne, en fait. C'est synchronisé et tu regardes des vidéos sur ton j'imagine que c'est synchronisé avec les mouvements du probablement vidéo? Probablement ça, c'est ça. c'est particulier. Donc, t'as le casque sur les yeux et t'as le truc que tu insères dans une espèce de fusée. Ça te prend le casque. Ouais, de réalité virtuelle, oui, c'est ça. C'est ça. Oh, ouais. OK. Wow. Donc, je disais le prix tantôt, environ 260 US. Wow. Ensuite, un lit intelligent, tiens, qui réchauffe tes pieds. Oui. Est-ce que t'as de la misère des fois avec tes pieds froids? C'est très rare. Je vais t'avouer que je suis le genre de fille à avoir les pieds chauds. Oh. Si j'ai les pieds froids, c'est automatiquement quand je me couche. Je sais pas pourquoi. Ben peut-être que tu vas pouvoir donc t'en servir. Peut-être. Ouais. Donc, tu connais peut-être la compagnie Sleep Number. On les voit souvent en infopublicité ou en pub à la télé. Donc, c'est une compagnie qui offre des matelas ajustables dans leur position. Donc, tu peux être deux personnes ajustées la pente de ton lit ou la fermeté du matelas d'un côté ou de l'autre. Bref, il y a des produits maintenant avec de la technologie intégrée qui aident à résoudre l'alignement de votre dos, le ronflement et d'autres problèmes. Ici, le Sleep Number 360, c'est leur plus récent lit et ça peut vous aider à avoir une meilleure expérience de sommeil. Le lit utilise un timer pour préchauffer les pieds, donc le bas du matelas, le côté où tu mets tes pieds, pour que tes pieds n'aient plus jamais froid. Oh, c'est bien. Magnifique. Il y a une recherche qu'ils ont fait qui indique que les gens s'endorment plus rapidement lorsque leurs pieds sont plus chauds qu'à l'habitude. Donc le timer commence à réchauffer ça. C'est connecté avec une application qui va connaître donc tes habitudes de sommeil. Il va pouvoir faire des ajustements basés sur ces données-là. Le Sleep Number 360 va être disponible plus tard cette année avec des prix à annoncer. Ensuite, on reste dans la chambre à coucher avec une veilleuse intelligente qui réagit à vos notifications. Si vous avez des fois une veilleuse dans votre chambre, est-ce que t'en as une? Est-ce que tu veux t'empêcher de t'enfarger dans ton lit, de petits orteils? C'est rare que ça arrive, mais j'aimerais bien. Ouais. Tu peux être intéressé par la veilleuse Omi Mini qui est capable notamment de t'indiquer si t'as des notifications. Tu sais, quand tu dors, il n'y a rien de plus relaxant que de savoir que t'as plein de notifications sur Facebook de gens qui t'ont poké. Hein? Exactement. Donc, lancée sur Kickstarter récemment, Omi Mini est une version plus petite et légèrement améliorée de la Omi originale. Elle est livrée avec une prise USB et peut donc se brancher sur n'importe quelle prise qui a un USB, même votre ordinateur ou votre mur. La veilleuse utilise de plus les lumières LED, lesquelles peuvent changer de couleur selon le type de notification. Ça peut vous alerter de plusieurs types de notifications, par exemple des alertes météo, des courriels, l'ouverture d'une porte intelligente ou chaque fois que vous êtes identifié sur un réseau social. Les possibilités sont infinies. La campagne Kickstarter est sur assemblagerequis.com et on peut réserver son Omi Mini pour 27$. Canadien. Les premières livraisons sont en décembre 2017. Pour vrai, je sais pas ce que je pense d'une lumière sur le mur qui va te stresser pendant que tu veux dormir. Ouais, c'est ça. Si tu le branches sur ton ordi, cool, parfait. Tu sais, mettons que tu l'aurais sur ton bureau, puis qu'il y avait un petit fil bien bien discret qui passait, puis tu pouvais juste avoir un petit ploup, mais t'es déjà sur ton ordi. C'est ça l'affaire. Tu la vois déjà ta notification. Exact. Fallait que ce soit peut-être sur la table du salon alors que ton téléphone est rangé ou ça a charge. Ploup, ploup, ouais. T'as une petite lumière. Ça pourrait. Mais est-ce que tu veux vraiment de ce stress ajouté là? Non. Penserais pas. Moi, quand je dors, je veux dormir. Le Omi Mini, j'aime pas ça. Ensuite, alors ça par contre, je trouve ça plutôt cool. C'est Panasonic qui a dévoilé un cintre, donc un support faisant aussi office de désodorisant pour vos vêtements. OK. OK. Le Panasonic MSDH100, toujours très accrocheur, qu'on appelle aussi le Nano X, est un cintre, tout ce qui est plus traditionnel, qui va être proposé en septembre prochain au Japon. 180$ US pour un seul cintre. Sauf que contrairement à d'autres supports, celui-là a un système électronique conçu pour supprimer les odeurs, comme la fumée de cigarette ou la transpiration, en utilisant des ions chargés négativement. Hein? Il faut pas moins de 5 heures pour effectuer un cycle complet. Et là, là. Ce cintre-là. OK, on rit plus. Et ça va être pour un habit que tu vas te servir peut-être une fois par année. Ouais, parce c'est que ça sinon, l'affaire. Qu'est-ce que tu mets sur ce cintre-là qui a besoin d'être désodorisé tout le temps? Peut-être un veston favori. Ouais, pour qu'il soit prêt à porter si jamais tu as un rendez-vous galant. Ben oui, ouais. Ou parce que t'es quelqu'un qui travaille toujours en veston. Mais exactement. Oui, mais, c'est ça. Tantôt, on a parlé dans la chambre à coucher d'un lit qui te réchauffait les pieds. Oui. Ouais. C'est le fait quand on passe complètement inaperçu le fait qu'il y avait du son qui jouait en arrière comme si rien n'était. Ah, excuse-moi. Donc, on revient à la chambre à coucher avec le Smart Duvet Breeze, qui est une grosse couverture, tu sais, une doudou. Oui. Mais connectée. OK. La couette connectée Smart Duvet Breeze pour un lit qui se refait tout seul et des nuits à température idéale. C'est merveilleux. Ah, j'aime tellement ça. Une campagne de sociofinancement a été lancée sur la plateforme Indiegogo par la jeune société canadienne Smart Duvet. Donc, la couette de lit connectée grâce à une application installée sur le smartphone ou la tablette. Il suffira d'un tapotement pour que le lit soit refait sans aucune intervention. Imagine, tu te réveilles le matin, tu t'en vas travailler puis tu n'as même pas besoin de faire ton lit. Tu fais juste appuyer sur le bouton avant de partir. C'est merveilleux. On pourrait également décider d'une programmation fixe pour que le lit soit fait tout le temps à la même heure tous les jours pendant une absence. Quoique si t'es pas là, t'auras pas à le faire plusieurs fois. Ouais, c'est ça. La couette se remplit d'air pour pouvoir se refermer, tu comprends. Ensuite, la couette Breeze propose une climatisation bisonne. Fini la torture pour la personne frileuse ou la personne ne supportant pas la même chaleur que sa tendre moitié. Depuis l'écran tactile, on pourra baisser ou augmenter la température seulement de son côté du lit. Comme un smart, comme le Sleep Number, mais à la place d'être la fermeté du matelas, c'est la température de la couverture. Allez voir sur Indiegogo pour en savoir plus. Le lien est sur assemblagerequis.com, mais je trouve que l'idée est pas mal bonne. Ouais. Ensuite, on va à un PC avec une coque électrifiée. Black cock. Electrified black cock. Disponible à partir du mois d'août, cet ordinateur hors du commun permet d'avoir une protection physique exceptionnelle pour ses données, à condition évidemment de payer le prix. Ben oui, hein? C'est sûr. Toujours. Ça vient tout le temps avec. Ça, c'est comme, on a du plaisir à avoir un gadget qu'on voudrait se procurer, puis là, c'est bam, ça coûte super cher. Tout le temps. Si vous comptez profiter de la coupure estivale pour les vacances, pour reconsidérer votre stratégie de sécurité informatique, vous pouvez jeter un œil sur Orwell. Moi, je dirais Orwell comme dans Big Brother, George Orwell. Orwell, O-R-W-L. C'est l'ordinateur de bureau le plus sécurisé du monde. Créé par la société californienne Design Shift, il sera disponible pour la première fois à partir du mois d'août. Il ressemble un petit peu à un PC minuscule, mais sous forme d'une soucoupe volante. Et son prix, qui est de 10 à 40 fois supérieur à un PC normal, suggère que ça n'a rien à voir avec une machine entrée de gamme. La carte mère de Orwell est encastrée dans une double coque en résine dont la surface intérieure est parcourue par un réseau électrique gravé au laser et connecté à un microcontrôleur de sécurité. À la moindre tentative d'intrusion physique, celui-ci va détecter les changements d'impédance au niveau du circuit électrique et effacer la clé de chiffrement maître avec laquelle les données du disque dur ont été chiffrées. Tous les composants sont protégés par ce blindage spécial, d'où ne sortent que les interfaces de connexion comme les HDMI et les USB. Pour accéder au système, il faut pas seulement avoir le traditionnel mot de passe, mais aussi une clé sans contact de sécurité fournie avec le produit. Celle-ci utilise le NFC, le Near Field Communication, pour authentifier l'utilisateur, et le Bluetooth pour évaluer sa distance avec l'Orwell. Et s'il est trop loin, le PC est automatiquement verrouillé et les interfaces de connexion désactivées. Et si en plus on le bouge, l'ordinateur s'arrête, car il dispose également de capteurs de mouvement, donc une chambre forte pour votre ordinateur Orwell, qui coûte vraiment super cher. Hein? Oui, c'est ça. On parle de 1 700 $ pour 120 gigs US et 2 400 $ pour 480 gigs. On a le choix entre Windows, Ubuntu et Cubes OS, donc évidemment, c'est pas un Mac, là, malgré les prix. Ouais. C'est comme ça. C'est sur la plateforme de financement participatif Crowd Supply. Ils ont déjà atteint leur but avec 100 000 $ US et plus. Ilala. Aïe, aïe. Ensuite, on change de domaine avec un hoodie, une petite capuche, une veste à zipper. Ça s'appelle le Volleyback. C'est une veste conçue pour résister un siècle. OK. Un siècle. Personne ne garde son linge aussi longtemps que non, ça. Non, c'est ça. Mais bon. Donc, le Volleyback est une marque de vêtements pour les aventuriers. Et depuis cette année, elle crée des vêtements de sport à la pointe de la technologie en utilisant des techniques de domaines aussi variés que la neuroscience, la physiologie, la science des matériaux ou l'exploration spatiale. La marque a ainsi dans son catalogue un tissu à base de nanotechnologie pour dissimuler la sueur, le sel, la poussière et même le sang. Une veste anti-abrasion capable de résister à une chute de 120 km/h. C'est leur toute dernière création ici dont on parle, c'est le 100 Year Hoodie. Qui a nécessité 2 ans de travail, dont une longue phase de test, tous plus extrêmes les uns que les autres, comme par chalumeau, par meuleuse d'angle, etc. Et le sweat, donc la veste, a passé tous ses tests avec succès, ce qui permet à Volleyback de le décrire comme étant le hoodie le plus résistant au monde. C'est composé de fibres de Kevlar et d'autres matériaux industriels, un peu comme un policier, mais ça le rend capable d'encaisser tous les bobos de la vie quotidienne, y compris des températures entre moins 200 et 300 degrés Celsius. D'après leur site, le 100 Year Hoodie supporte 100 sourciers, 2000 lavages, 4000 portages et environ 100 accidents. Le Volleyback 100 Year Hoodie est vendu 295 $ US pour un vêtement qui va survivre probablement de génération en génération. Ça pourrait être ça dans le futur à la place de léguer tes bijoux, là? Oui, c'est ça. Je te donne mon hoodie. Pis, hein, tu content? Pis, mon hoodie, buddy. À place de te donner une maison. C'est ça. Je te donne mon coton ouaté. Ensuite, on va chez Best Buy. Ça, c'est quand même assez sympathique comme programme. Ils essaient un programme Try Before You Buy pour certains produits. Les clients qui achètent des appareils électroniques super chers pour les ramener quelques jours plus tard, ça m'arrive ultra souvent quand j'achète quoi. Je suis rarement satisfait ou je veux un autre modèle, je veux un modèle plus avancé. Ouais, mais tu sais... Je sais. T'es geek, je hein? sais. Tu connais ça. Mais c'est ça la différence. Ouais, mais si je pouvais l'essayer, je ferais pas cette erreur-là. Ouais, peut-être, OK. T'sais? Donc, le magasin, justement, nous permet maintenant de le faire, en tout cas dans certaines succursales. Best Buy, qui donc s'est associé avec une petite start-up de location en ligne. C'est un programme officiel qui permet aux clients donc de louer des articles avant de les acheter. Wow. C'est Rico qui me dit que Best Buy va débuter ce programme-là ça disait plus tard dans le mois de juin, donc ça doit être proche de commencer ou sinon ça a déjà commencé. à San Francisco avec la compagnie Lumoid, qui offre aux clients la chance donc, d'essayer des caméras, des drones, des appareils portables comme des montres et d'autres gadgets. Donc les gens visitent bestbuy.com et cliquent sur le bouton Try Before You Buy. Après ça, tu cliques, après avoir cliqué sur un produit, ils sont envoyés sur le site web de Lumoid pour finir la transaction. On ne sait pas la durée encore de location ou si les gens se font demander de payer quotidiennement ou hebdomadairement. Par exemple, on dit qu'un client pourrait louer un drone DJI Phantom 4 qui coûte normalement 1 000 $ pour 50 $ par jour, alors qu'une Apple Watch pourrait être testée pendant 50 $ par jour. Oh. Ce qui est vraiment bien. Moi, j'aimerais pouvoir essayer. Je pensais à ça en m'en venant tantôt, que j'ai besoin d'écouteurs Bluetooth. J'aimerais ça avoir essayé peut-être les AirPods pendant une semaine ou deux pour voir s'ils tiennent dans mes oreilles. Pas fou. Ce serait parfait, ça, 50 $ par semaine. Mettons, ça pourrait être vraiment bien. Donc, on reçoit les clients qui louent des produits vont recevoir 20% de rabais sur le prix de location en crédit Lumoid qui peuvent ensuite être utilisés pour acheter l'article. Et les gens vont recevoir des rabais lorsqu'ils vont acheter des articles qu'ils ont essayés. Et on note que les produits qui vont être donnés en location, si on veut, sont des boîtes ouvertes, voulant dire qu'ils ont été achetés, mettons chez Best Buy, retournés, et là, ils voulaient les vendre en boîte ouverte, et à la place, ils vont les mettre en location. J'adore l'idée. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Mais après ça, s'ils le remettent sur le marché, j'espère qu'ils vont encore plus faire un rabais pour les gens qui vont l'acheter en boîte ouverte. De façon usagée, oui. Ouais, c'est ça, parce que ici, les boîtes ouvertes, c'est comme 5$ de rabais, tu sais pas ce que la personne a fait avec. Ah. Non. Celui-là, c'est une lumière. Tu disais, dans le noir, tu n'avais pas tout le temps une veilleuse. Non. Mais est-ce que tu as tout le temps une paire de fesses à claquer? Non plus. Non? Imagine pouvoir combiner les deux. Une paire de fesses que tu claques pour l'allumer. C'est une slap activated butt plate. Oh mon Dieu. Pratiquez votre technique de drague. Voilà, à chaque fois que vous voulez allumer la lumière avec cette slap activated butt light, une source de lumière qui est comme un clapper, tu sais, là? Ouais. Là, ça allume, puis clac-clac, ça éteint. Donc, tu lui donnes une petite fessée non consentante sur le derrière et la lumière... Je vais t'avouer que c'est très rare que ma façon de draguer, c'est de claquer une fesse à un gars. Ouais, c'est ça. T'es pas un gars viril inapproprié. C'est voilà. Ça. Ouais. Les gars ont plus la façon de claquer une fesse à une fille qu'une fille à un gars, hein, les non? Les gars. Combien tu paierais pour ça, claquer une fesse pour allumer une lumière? Vraiment pas cher. 885 $ US, c'est trop pour toi? Oui, c'est trop pour moi. Dommage. Ensuite, quand tu veux barrer ton vélo en quelque part... Là, oui, chose que je n'ai pas. Non, et moi non plus. Tu utiliserais jamais un genre de comment t'appelles ça, un tie wrap pour attacher tes affaires après? Ben non, c'est sûr que c'est facile à couper un tie wrap. C'est pas sécuritaire du tout. Oh, mais jusqu'à maintenant, plus maintenant, plus dorénavant. Donc c'est le Hiplock Z-Lock, un zip tie sécuritaire. Oh, d'accord. Et donc pour attacher un vélo ou n'importe quoi d'autre, le Z-Lock par la compagnie Hiplock n'est pas votre zip tie normal. En fait, le centre est en acier avec un mécanisme pour barrer qui est double-sided, voulant dire que ça peut seulement être ouvert avec une clé spéciale. Donc, c'est l'aspect pratique d'un zip tie, de comment t'appelles ça, là? Cette affaire-là. Ouais. Un truc en plastique que tu tires le dessus. Le tie wrap, là, c'est ça. Mais ça a la même force qu'une chaîne de vélo. Mm-hmm. C'est parfait pour envelopper quelque chose qui a 40 cm de tour et c'est vendu en paire pour environ 20 $ US. C'est super cute en plus, on le voit en rouge ici, j'imagine qu'il y a d'autres couleurs, mais c'est la même apparence avec les mêmes petites fentes dessus. Là. C'est quand même le fun. Pas pire. Ensuite, on va au Japon où on a une machine distributrice qui distribue des choses plutôt particulières. Donc, le Japon est connu pour ses machines distributrices un petit peu partout. C'est difficile de trouver. Loufoque, voilà. La semaine passée, qu'est-ce qu'on avait parlé? Il me semble qu'on avait parlé de machines distributrices de fast-food ou de produits chez Walmart, ouais. Je me rappelle. Ça, c'était aux États-Unis, mais bon. Donc, au Japon, dans Uchiko, une ville dans la préfecture de Uhime, c'est une machine qui rend hommage à l'art traditionnel du pliage de papier, de l'origami. Donc, ça va te donner un design pré-plié entre 10 et 50 yens chaque. Donc, tu vas pouvoir avoir une étoile de ninja. Tu vas pouvoir avoir une paire de lèvres qui s'ouvrent et qui ferment quand tu bouges avec. Ça pourrait être, je sais pas, n'importe quoi, un cheval qui fait des acrobaties. Mm-hmm. C'est le fun. Une machine distributrice à origami. Ça vient dans les petits emballages de plastique. Et t'as même pas besoin de le plier toi-même. Ce qui serait le fun, c'est si il te donnait une feuille de plus et des instructions pour pouvoir toi-même le faire. Tu aurais le modèle. Ouais. Tu pourrais l'imiter à côté. Mais passerais-tu ta veillée à faire de l'origami? Ben, c'est pas pire que faire du coloriage ou de tricoter, non? Faut que t'aimes plier le papier. Faut que t'aimes plier le papier. Donc, c'est fait. Apparemment, ces articles-là d'origami sont faits par une femme de 61 ans qui gère une petite boutique près de où la machine est située. Sur Instagram, bon, très tous les manches chic, en a acheté plusieurs et les a pris en photo. Apparemment, c'est très bien fait. Du très beau papier. Donc, de jolis petits designs, une idée très simple dans une machine distributrice d'origami. On reste au Japon. Des fois, est-ce que tu as envie de crier? T'sais, tu veux frapper des fesses, mais là, tu n'as pas encore acheté ta lampe à 1000$. Mais oui, ça m'arrive souvent de vouloir crier. Bon. Est-ce que tu as un coussin, quelque chose? Non, je fais juste le garder dans moi. C'est pas bon pour toi, ça. Non, je sais, ça gruge l'intérieur. Il faut que tu t'achètes le Japanese Shouting Vase. OK. C'est un vase, ça ressemble un petit peu à un pot de fleurs, sauf que c'est fait pour que tu cries dedans. OK. Donc, arrête de payer des sessions de thérapie super chères et laisse sortir ta haine envers peu importe dans ce vase japonais qui va complètement absorber les sons de ta bouche et ça va être tout discret. Tu vas pouvoir crier des obscénités là-dedans. C'est vrai? Oui, pour 100$ canadiens. J'en veux. Ben, Caroline, c'est pas un beau pot, là, mais... Non, c'est laid, hein? C'est... On dirait un jouet pour chien. Ouais, on dirait un Kong. Les chiens, là, ils ont ça. C'est fait exactement de la même shape, mais tu insères de la nourriture à chien dedans et c'est pour qu'ils puissent jouer avec. C'est spécial. Pas très beau. Non, vraiment. Mais en même temps, j'espère pour vous, dans votre vie, que vous n'avez pas à crier aussi souvent que ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à crier, là. Non, mais c'est pas assez pour t'acheter un pot à 100$, là. Ben, ça dépend quelle est la situation. Ouais, j'avoue. Ensuite, on a parlé des fois avec toi de jardinage, oui. d'horticulture, d'attacher un pot de fleurs à ta rampe sur ton tout balcon. Fait. Bon, ben ici, on a un peu quelque chose qui pourrait aller avec ça, mais qui est encore plus cool que ça. Hey, j'aime ça. Oui, c'est comme... Mais je viens de voir le prix. Ouais, mais si on regarde ça pour la fin, on se crée des besoins c'est ça, avant. Exactement. Donc, c'est fait pour aller par-dessus ta rampe. Imaginez-vous qu'il y a comme donc le pot de fleurs d'un côté qui est vers l'extérieur, tu peux mettre les fleurs dedans, mais du côté qui est à l'intérieur du balcon, une petite tablette mm-hmm. et tu peux installer ton ordinateur ou un café ou peu importe dessus. Donc, ça fait vraiment comme, on dirait, une grosse pelle de neige pour l'hiver. Ouais. Imaginez-vous à peu près une grosse pelle de neige. Puis ça va sur ton balcon et puis tu peux tapoter en même temps que tu as des fleurs devant toi et donc plein d'abeilles autour. Ah, c'est merveilleux. Pour travailler, ça travaille bien. T'sais. C'est vrai. Tout ça pour combien, Tam? 268,26$. Canadien, ça c'est rien en conversion. Moins. Ouais, c'est fantastique. C'est... Hein? Maman, gosser une, ça va coûter plus cher. Tu pourrais, en fait, probablement t'en créer une toi-même. C'est sûr que oui. Ouais, c'est pas super compliqué. Ensuite, quand tu prends ta douche, Tania, tu dis, ouais. Colin, que c'est plate, mon eau est transparente. Ben, je... Je suis beaucoup plus coloré que ça, j'ai besoin de beaucoup plus de couleurs dans ma douche. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, changez votre douche matinale en expérience psychédélique avec une pomme de douche qui fait que l'eau change de couleur. Ça demande aucune batterie, aucune électricité, aucun rien. C'est donc une pomme de douche qui utilise une lumière LED qui fonctionne par la pression de l'eau pour transformer ton eau en un amalgame de couleurs. Donc ici, on a vraiment l'arc-en-ciel. Je sais pas si tu peux faire l'arc-en-ciel ou s'il faut que tu choisisses une couleur. Puis ça, c'est une interprétation. Ah, je sais pas. Hein? Je sais pas. Mais 30$ canadiens pour changer la couleur de ton eau. Tu peux pas la changer en vin, malheureusement. Malheureusement. Alors, dans ce cas, je dis non à la pomme de douche. La pomme de douche. C'est pas une pomme de douche? Une pomme de douche. Une pomme de douche? Hey, tu m'en poses une bonne. Ah, c'est bon, là. Oh, pomme ou pomme de douche? Pomme de douche. T'as un petit peu cher ça. Il y a tête de douche, pomme de douche, pomme de douche. P-O-M-M-S. Ouais, ben, ah oui, comme une pomme. Comme une pomme. Ouais. Ah, je croyais que c'était une pomme de Shower douche. Shower apple. Shower apple. Ensuite, des vêtements anti-reconnaissance faciale. Si vous inquiétez de plus en plus de la mise en place par les autorités ou peu importe de système de reconnaissance faciale au coin des rues, on a tous vu des documentaires de meurtres où ils ont pris les caméras de sécurité pour trouver la personne. Un projet vise à brouiller cette nouvelle technologie grâce à des vêtements. Donc, derrière ce projet, on trouve l'artiste et technophile Adam Harvey, déjà à l'origine de plusieurs projets visant à remettre en question les nouvelles technologies. Comme le relate The Guardian, cette fois-ci, il s'attaque à la reconnaissance faciale et à l'intelligence artificielle. Le projet Hyperface d'Adam Harvey se base sur la limite de la reconnaissance faciale. Il l'a expliqué au congrès Chaos Communications à Hambourg, en Allemagne. Donc, ça part d'un concept simple. La reconnaissance faciale ne peut gérer qu'un nombre limité de données liées au visage des personnes. Il suffit alors de donner au système un nombre élevé d'informations pour qu'il ne puisse plus les traiter. Donc, pour faire ça, là, Adam Harvey s'est associé avec le studio Hyphen Labs pour développer un motif capable d'être pris pour un visage par les systèmes de reconnaissance faciale. En mettant ce motif sur les tissus, comme sur des vêtements, il est possible de détourner le système qui ne réussira plus à différencier le visage de la personne qui porte le vêtement du vêtement lui-même, tu comprends? Il est peu probable que les vêtements issus de la recherche de Adam Harvey se retrouve un jour dans le commerce, nous dit-on. L'artiste a surtout voulu montrer à quel point la reconnaissance faciale peut être dangereuse et pourquoi il faut s'en protéger. Il a, auprès de chercheurs et d'entreprises, identifié pas moins de 47 données que les spécialistes de la reconnaissance faciale estiment être en mesure d'extraire d'une photo de seulement 100 par 100 pixels, non seulement les classiques sexe et âge, mais également des données sur le caractère ou encore des tendances criminelles. Mais oui. C'est comme un genre de petit foulard. Pourquoi voudrais-tu autre chose? Ouais. C'est un petit foulard, comme un bandana. Un bandana. Et on dirait qu'il y a des faces dessus, donc ça vient complètement mélanger les caméras. Des faces pixelisées, là, c'est pas des visages. Hey, ça serait-tu épeurant d'avoir des faces de quelqu'un sur toi? Ici, c'est juste mais un pattern. Je sais pas. Je sais pas, Mathieu. Pour? Si c'est pas déjà des visages. Regarde-la bien comme il faut. De là. Très, très près, peut-être. Ouais, j'avoue. Mais je de crois loin, que ce sont déjà des visages pixelisés. Tu penses qu'ils ont pris des vraies faces et qu'ils ont juste comme flouté ou quelque chose comme ça? Ouais. Ben, ça a l'air très, très genre noir sur blanc, là, comme des petits points. Là. Ah, je sais pas, mais ça fait peur un peu. Ça fait peur. Ça a l'air du genre de visage qui était dans un film d'horreur une fois de temps en temps. Ouais, ouais. Qui apparaît à l'écran, là, subtilement. Exactement. Là, ouais, j'avoue. Non, je dis non. On parle de tout plein de choses connectées. Parlons d'un grille-pain connecté par Griffin Technology. C'est le Connected Toaster. Hey, ça coûte cher, des toasters. Hein? Mais je suis d'accord avec toi. J'ai réussi à en acheter un, par contre, avec mes bonus dollars des jardins récemment. Ah ouais? Ouais. Je l'ai eu gratuit. Donc. OK, c'est ça. Pas pire, hein? C'est merveilleux. Merveilleux. Donc, on aime ça, les bonnies dollars. On aime ça. On aime ça. Bref, ici, on parle d'un grille-pain très, très cher, évidemment. Hein? Mais oui, on clairement. Dit, finis la tranche de pain trop cuite parce que votre compagnon avait réglé l'appareil sur trop longtemps. Hein? Une fois en lien avec un téléphone, il est possible de choisir une température et un temps de grillage afin d'obtenir une tartine, une toast proche de la perfection. La connexion s'effectue en Bluetooth et l'application Compagnon offre l'accès aux paramètres, fournit même quelques conseils et pré-réglages. Sans ça, c'est un grille-pain traditionnel. Et il coûte quand même 100$ US, mais c'est pas si loin que ça des vrais prix des toasters. Non, c'est ça, exact. Un bon 60-70 pour 4 fentes. D'habitude, lui, il en a seulement 2, par contre. C'est pour ça que c'est si fâchant. Oui. Hey, je veux juste faire griller mes toasts. Tu sais, niaise-moi donc. Franchement, pourquoi tu me chargerais 76$? C'est comme un micro-ondes. Bon, on ne partira pas là-dessus, mais... C'est tout ce qui est électroménager de petite taille. Franchement. Électroménager de nain. donc, on a... On a des boutons grillés. Un bouton grillé est annulé. Le deuxième, c'est un petit peu plus, a little extra. L'autre, c'est bagel. Exact. L'autre, c'est frozen, congelé. Et l'autre, c'est gluten-free, sans gluten. Apparemment, il faut peut-être le faire cuire plus ou moins longtemps que le reste. D'après moi, c'est plus longtemps. Peut-être. Hein? Et t'as aussi le bouton plus pâle et plus foncé, avec une petite grille en dessous lumineuse. C'est quand même cute. C'est un beau bloc d'acier inoxydable. J'aime ça, des grille-pains. C'est vraiment beau. Il est en acier inoxydable. Mais honnêtement, est-ce que t'aimes ça? Le look d'un grille-pain. Mais hein, je trouve ça super beau. Moi aussi, mais il faut que ce soit acier. Je trouve qu'il y a une révolution à faire avec les grille-pains. Pas chromé. Chromé, j'ai ça. Non, le mien, il est noir. Acier brossé. Oui, noir, c'est beau. Ouais. Noir mat ou noir lustré? Lustré, par contre. Ouais, c'est très beau. La machine à café est noir lustré. On pourra en parler longtemps de nos électroménagers. Ouais, c'est ça. Hein. Hey, on est vraiment rendu vieux. Ça paraît qu'on se parle juste une heure par semaine l'été. Hein. On se parle d'électroménager en ondes. On est désolé aux auditeurs. Ensuite, un kit ultramoderne pour lutter contre le stress, Tania. C'est vraiment spécial. Ça s'appelle le Renew par NewCon. C'est un appareil personnel et des écouteurs et c'est fait pour te relaxer. Le stress aujourd'hui est vraiment présent, hein, on sait. Tu vois, c'est que le stress, là, je le vois pas venir. Je peux pas te dire quand est-ce m'avoir besoin de mettre les lunettes. Wow, c'est comme la claque de ses fesses, il l'aurait pas vu venir non plus. Mais ça t'aurait déstressé, par contre. Exactement. Donc, c'est sûr que si je claque une fesse, ça me déstresse. Solus Life Sciences est derrière NewCon, une technologie de neurosciences naturelles sans composés chimiques permettant de modérer les niveaux d'adrénaline dans le corps. Après avoir rencontré un certain succès dans le secteur médical avec NewCon, la société a décidé de proposer une version grand public qui est le Renew. Donc, selon ses concepteurs, Renew se compose d'un neurostimulateur qu'on porte sur la tête, ensuite d'une application mobile qu'on porte pas sur la tête, de logiciel neuroacoustique et de compléments, ce qui ressemble fort à NewCon dans un format plus portatif, parfait pour mener une intervention n'importe où et n'importe quand, tout en ayant l'air de vraiment être dans Star Trek. Oui, c'est ça. Pour l'instant, le tarif du kit n'a pas été communiqué, celui des compléments non plus, mais le lancement de Renew est prévu pour l'automne. J'espère que ça va être plus beau que c'est là parce que ça a vraiment l'air fou comme passe. C'est pas super cute, là. C'est une passe qu'on se met dans les cheveux, mais en plus. T'as l'air de jouer dans Star Trek. C'est vraiment ça. Le personnage qu'on a tous en tête, oui. Que ça sur les yeux, là. C'est dans X-Men, ça. Aussi, hein. Non, mais... C'est dans X-Men, tu sais, il lance le laser avec les yeux, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et au dernier, tiens, le capteur qui peut vous apprendre à boxer. Oh, d'accord. Le Pic Robot Blue. Donc le Pic Robot Blue qui est un petit capteur dédié à la boxe pour apprendre ce sport ou perfectionner sa technique. Donc le Robot Blue est un petit capteur s'insérant dans une bande conçue spécifiquement pour votre main. En boxe, les bandes offrent une stabilité dans les poignets et les mains permettant notamment de diminuer les risques de blessures. Elles se portent d'ordinaire sous les gants ou à nu si vous ne faites que du shadow boxing qu'on appelle. Oui. Pic et Everlast. Everlast, compagnie de gants de boxe. Mm-hmm. Comment ça? Font pas des sous-vêtements aussi, non? Ça, c'est. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Bref. Je pourrais pas te dire. On t'intégrait dans Robot Blue un accéléromètre, un gyroscope et un altimètre pour un capteur capable de collecter pas moins de 190 000 points de données à la minute. Hey. Ça permet d'évaluer la vitesse à laquelle vous frappez, à laquelle vous reprenez votre garde, la force de l'impact, le type de mouvement, la cadence des coups ou le nombre de calories brûlées. Toutes ces informations sont évidemment présentées dans une application dédiée sur le téléphone, parfait pour apprendre la boxe ou pour perfectionner votre technique si vous êtes déjà un habitué des rings. Le Pic Robot Blue est actuellement en précommande pour 79 $US, pas cher. Non, c'est vrai. Les premières livraisons sont attendues d'ici la fin du mois. En fait, sont déjà parties. C'était en février dernier. Okay. Donc, ça ressemble à une clé USB, je te dis. Hein? Oui. Qui se porte sur un porte-clé. Et puis sinon, ben, tu le mets dans ton dans ta bande pour le dans ta main. Pic Robot Blue. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ça devrait répondre là. Les 20 liens sont sur assemblagerequis.com. Prenons une pause. On mérite ça, une fois de temps en temps. Ben, tout à fait. Petite saucette, puis après ça, on revient. Petite saucette. Petite saucette. Au retour, Tania Esgolin-Jotinia, de quoi tu nous parles dans ta première chronique? Je vais vous parler de recettes. Des recettes. Des recettes. Oh, restez là. Assemblage de qui? Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de vie. Vous êtes à Assemblage Requis pour la semaine du 3 juillet 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Hey, elle se fait aller les doigts avec des... Allez, il n'y a plus le beat. Ben oui, il y a un beat. Est-ce que tu vas imiter les crapauds pis les petits chiens? Non, ça, je suis désolée, ça rentre pas dans mes cordes d'actrice. Elle les aime pas, je pense, les petits chiens. Puis... Qu'est-ce que c'est? C'est ça, je l'ai fait. Avant je change 3 pièces de plus de l'heure pour ça. Avant de continuer avec la chronique de Tania Esgolin-Jotinia, qu'est-ce que t'en penses d'écouter une pièce qui est très à propos avec les chiens qu'il y a dans notre fond en ce moment? Ben oui, pourquoi pas? Écoutons This Old Dog de Mac DeMarco. À son âge requis! Ouh, 89 FM! Sometimes my love may be put on hold. Sometimes my heart may seem awful cold. These times come and these times go. As long as I live, all you need to know is this old dog ain't about to forget. And all that's next. Long as my heart's beating in my chest, this old dog ain't about to forget. Often a heart tends to change its mind. Day decides on a new design. A new day gets set on another way. As long as I live, all I've got to say is so dark, ain't about to forget. All we've had and all that's next. Long as my heart's beating in my chest, it's so dark, ain't about to forget. Mac DeMarco et This Old Dog à Assemblage Requis. Dans une heure et demie environ, on va faire une grosse pointe adresse. Vous savez, on va goûter à quelque chose et on va parler de bouffe, mais Tania, ça l'a inspiré, je pense. Oui, oui, oui, vraiment, ça m'inspire tout le temps. On commence tout de suite en parlant de bouffe dans une chronique qu'on appelle... Ça veut dire dans une grosse pointe adresse, hein? C'est parti. T'ai vu venir. Le pilote automatique t'embarqué ce coup-là. Donc, Tania is gonna entertain you. Je vous rappelle qu'il y a une chanson à chanter là-dessus. Oui. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do the difficile de chanter et claquer les doigts en même temps. She's gonna do the. Donc Tania, après ce beau petit party là, de boum boum boum boum qu'on a eu ensemble. C'est pas merveilleux tout ça. Donc, êtes-vous content? J'ai mis du bonheur dans votre journée. Tellement. Donc, Ricardette aujourd'hui. Oui, Ricardette, parce que je veux... je vous présente des recettes de collation d'été. Moi? Oui. C'est vraiment le fun. Non. L'alcool, ça va arriver plus tard dans l'émission. Yes. On la goûte pas, malheureusement, aujourd'hui, mais je vais en parler, vous un allez jour, voir. Un jour, on a promis à Marc-Olivier Dumas qu'on allait faire une grosse pinte en dress. Oui, c'est vrai. On s'est déjà dit aussi qu'il faudrait en animer une sous. Oui. Mais c'est pas encore arrivé. Et on demande aussi de pouvoir animer ça sur la terrasse de la chasse-galerie éventuellement. Exactement. Moi, je pense que ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Au mois d'août? Au mois d'août. Peut-être, on verra. On va se croiser les doigts. Donc, je vous présente 5 recettes dans cette première chronique-là pour l'émission. Je vous présente des recettes, mais je vais parler aussi justement des aliments canadiens qu'on voit peut-être pas nécessairement partout à travers le Canada, mais qui sont très bons apparemment. C'est pas du bacon de dos, là? Non, tu vas voir. Et je vous parle aussi de Santé Canada qui refait le guide alimentaire. Arrête donc! Eh bien oui, toi. Il verra l'envers. On est rendu là. Ça fait des années que le guide alimentaire est jugé. Ben là, on a décidé d'en faire un nouveau. Caroline, genre de voir ça. On travaille là-dessus. Mais premièrement, comme je vous le disais, on va parler de recettes parce que je pense que le temps de l'été, c'est un petit peu le temps aussi où on a le goût de se sentir en santé, oui. Bien souvent. T'sais, on regarde à l'extérieur, fait soleil, on se regarde dans le miroir, puis on fait « je fit un petit peu moins bien que le soleil ». Donc, parfois, on veut se lancer du côté un petit peu plus santé dans les collations. On veut se lancer aussi dans des petits repas un peu plus santé. Et t'es tout le temps un petit peu parti à gauche puis à droite en plein été. T'sais, t'as jamais vraiment le temps de t'asseoir pendant un bon moment pour justement manger une collation pendant des heures. T'sais, on fait pas ça. Et on essaie surtout d'avoir à mettre le moins gros effort sur nos collations en été. Tout à fait. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est un petit peu comme ça que je me sens. Ouais, ben en tout cas, moi, Un petit peu à l'année longue, en fait. Ça. Hier, quand j'allais me chercher du restaurant, j'ai croisé un ex-collègue ici et il me dit « Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait quoi? Plus de 10 ans que tu travailles assez fou? » Je vais arrondir, ça va être plus... Ouais. Il me dit « T'étais vraiment mince dans ce temps-là. » Ouais. Hey, c'est gentil. Ouais. Wow. Mais lui aussi, il en a pris un petit peu. Là. OK. Mais moi, j'avoue que... J'espère que tu as remis dans les dents. Non, je suis pas même. Toi aussi, hein? Ouais, ben c'est réciproque. T'es rendu chunky. Rond? Un petit peu chunky. C'est ça? Exactement. Bien, aujourd'hui, en fait, je vous parle d'une certaine découverte qui va nous aider justement à faire ces 5 fabuleuses recettes-là. C'est qu'il y a un couple québécois qui a décidé de se partir... Marie-Lou. Non, c'est pas 3 fois par jour, mais qui, un petit peu dans le même sens, en fait, vous allez voir, ils ont décidé de se partir dans les smoothies. Oh. Puis ça, c'est le fun parce qu'on adore ça. Puis l'été, y a-tu quelque chose de plus facile à faire qu'un smoothie, de plus rapide à faire qu'un smoothie, puis le moins grand effort au monde, c'est bien un smoothie. Yeah. Donc, on a parti la compagnie Evive Smoothie. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est très simple, c'est 3 étapes. La première, c'est que ça vient en cubes. Donc, ce sont des cubes qui sont déjà semi-préparés. Oh, wow, ça me fait penser un petit peu à un Jugo Juice. Ils ont des fruits congelés puis mettent ça dans le blender. Exactement. C'est que les cubes, en fait, pour arriver à votre smoothie que vous voulez tant, vous allez mettre 8 cubes dans un malaxeur, okay. Donc dans le blender, comme on appelle, ou dans une bouteille. Vous allez ajouter à ça 150 ml, donc une demi-tasse de liquide. Ça peut être le liquide que vous voulez. Ça peut être du lait de soya, ça peut être du café, ça la peut être vodka. Du jus, de la vodka. C'est, vous y allez à votre guise. Mais okay? C'est fait des, c'est des petits cubes un peu comme en grosseur de dés pour que ça rentre dans une bouteille, c'est ça? C'est des triangles, en fait. Ah, OK. Puis c'est le mélange de fruits qui a déjà été... préfet. Oui. Donc, en fait, les cubes que vous allez recevoir, ou les... on appelle ça des cubes, mais vraiment, là, c'est des triangles, comme on va se dire. Là. C'est ça, exactement. Ouais. C'est le mélange de fruits que vous avez avec vous. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir un mélange qui va être fraise-kiwi, un autre qui va être ananas-mangue, oh, ouais. Mais il est déjà fait. Wow. Vos fruits sont déjà en purée et ils ont été congelés. Donc, hey, c'est merveilleux, on adore ça. Et les recettes que je vais vous présenter aujourd'hui sont basées sur ces fameux petits cubes-là avec Evive Smoothie. Donc, 5 recettes super facile à faire avec des cubes qui, on va se l'avouer, est passe-partout. Ben, mets ça. Tu peux mettre ça dans des smoothies, mais tu peux mettre ça aussi dans pas mal n'importe quoi. C'est congelé. Exactement. Donc, tu peux pas en mettre sur tes céréales, mettons. Non. Ou à moins que tu fasses décongeler, ouais, mais tu sais, c'est pas des fruits entiers, c'est vraiment déjà mis en purée, donc il faut, faut garder ça en tête. Mmh. Et un des plaisirs de l'été, c'est les popsicles. Je sais pas pour toi, ben mais oui. Moi, depuis que je suis jeune, tu sais, il y a rien... Slash popsicle puis smoothie, là. Exactement, tu sais, on a la combinaison parfaite pour passer un bel été. Et c'est le fun de pouvoir aussi, justement, en déguster certains au soleil, un beau dimanche après-midi, sur le bord de la piscine. Donc, le premier que je vous présente, c'est des popsicles tuk-tuk. Tuk-tuk. Qu'est-ce que c'est? C'est que ça prend les 10 cubes à smoothie tuk-tuk, qui est un mélange déjà fait. Donc, on peut avoir mangue, ananas, et si je me souviens bien, c'est un troisième fruit que je ne me souviens plus en lequel. En fait, ça consiste avec baie d'argousier, abricot, noix de coco, citron, orange, curcuma et protéines végétales. Bon, tu vois. Mais moins sûrement pour les derniers. Là. En gros, c'est pas ça. Mal mangue, ananas et baie d'argousier. Exactement. Donc, on va prendre ces 10 cubes-là. On va ajouter ça à une tasse de lait de coco. OK, on parle bien de lait de coco ouais. Allégé, puis un quart de tasse de mangue surgelée. Donc, on peut ajouter à ces fameux cubes-là d'autres fruits aussi. Si nous, les cubes qu'on a déjà, on veut ajouter une petite dose de kick, on peut y mettre aussi un petit peu d'alcool si vous voulez. Mais c'est très simple. Donc, comment est-ce qu'on prépare ça? C'est qu'on va mélanger les deux premiers ingrédients dans le mélangeur jusqu'à ce que ce soit vraiment lisse. Là. On veut quasiment justement un lait. Donc, on va vraiment mélanger jusqu'à ce que ça devienne très, très lisse. Par la suite, on va ajouter les mangues qui sont à l'extérieur du mélange déjà fait. Et on va mélanger tout ça à nouveau dans le malexeur. On veut que ça, qu'il reste quelques morceaux de mangue pour que ça donne de la texture à nos popsicles. Et par la suite, on va séparer dans 4 moules à popsicle. On va congeler au moins 4 à 6 heures avant de les déguster. Et par la suite, on déguste les fameux petits popsicles d'été. C'est ça, parce que là, la tentation serait de prendre directement un cube et se le mettre dans la bouche. Ben oui. Mais c'est du concentré, fait que ça va goûter vraiment trop fort. Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut absolument pouvoir le mélanger ouais. avec un liquide certain parce que vous allez voir, sinon c'est... C'est ça. Ça pogne un peu partout vu que c'est concentré. Ça doit être assez nouveau parce qu'il y a l'air d'avoir juste 3 saveurs pour l'instant. Oui, c'est ça, exact. Il y a pas, il y en a pas des milliers, là. T'as framboise, fraise, betterave, c'est le guerrier. Oui. Et puis l'autre, c'est le yogi qui est banane, épinard, kale, poire, persil et plus. Ben justement, celui que tu viens de présenter, qui est le yogi, c'est celui qui fait partie de ma deuxième recette pour l'été. Donc, on appelle ça le yogi bleuté. C'est la recette la plus simple qui peut exister et ça donne un résultat vraiment, pour ceux qui aiment bien Instagram et leurs photos, là, ça donne un résultat vraiment Instagrammable. C'est vert. C'est très à la mode, le vert. Oui, exactement. C'est très coloré et c'est délicieux aussi. Donc, il suffit de préparer le smoothie yogi, comme c'est indiqué sur l'emballage des petits concentrés à smoothie. Par la suite, vous allez y ajouter des bleuets qui sont soit congelés ou soit non congelés, c'est à votre guise. Et la recette qui vient justement sur le dos du contenant de yogi, bien, c'est la même que vous allez utiliser. Donc, vous allez mélanger de l'eau ou encore, si on disait tout à l'heure, avec un petit peu d'alcool, ça peut donner un petit kick en plein été. Bien, vous pouvez utiliser de l'alcool. Vous allez mélanger ça avec vos bleuets et ça va vraiment vous donner un smoothie qui est quasiment comme une slush. Donc, ça va rester très, très frais, mais ça va donner aussi un petit côté crémeux à cause des épinards qu'il y a déjà dans le concentré et les ingrédients qu'il y a avec le yogi. Wow. Par la suite... On parle de la forêt tropicale. Qu'est-ce que cette recette? Bien, en fait, on va utiliser les cubes les premiers cubes qu'on a utilisés pour les popsicles, donc les tuk-tuk. Par la suite, on ajoute 1 once de lait de coco. Donc, on se rend compte aussi de plus en plus que l'été à l'avance que les noix de coco, la noix de coco, le lait de coco, l'eau de coco, c'est pas mal à la mode. Ben, c'est le fun. On a pensé au travers. Tu peux t'aller du goût vite, mais là, comme tu mélanges avec d'autres choses, tu vas un petit peu perdre de ce goût dont tu es peut-être tanné. Exactement. Par la suite, vous allez ajouter du jus de citron frais pressé. On va ajouter 1 once de jus de citron. Par la suite, vous savez, les rice kombucha, là, kombucha. Mm-hmm. Bien, ça n'en prend un pour cette recette-là. Donc, vous pouvez passer au dépanneur ou à l'épicerie. Il y en a pas mal n'importe où, ouais. Sérieusement, maintenant. Donc, ils l'ont même en grosse bouteille, maintenant. Exactement. Vous allez ajouter 8 ou encore 4 onces de rice kombucha à saveur de citronnelle. Vous allez en mettre un petit peu moins si on utilise la version cocktail. Donc, c'est-à-dire, si on le mélange avec de l'alcool, utilisez un petit peu moins de rice kombucha. Sinon, vous pouvez y aller vraiment avec 8 onces, ce qui va venir compenser, justement, si on ne met pas d'alcool dans le mélange. Et de façon optionnelle, c'est si on veut la version cocktail, et on va ajouter à tout ça 6 onces de rhum. Pour faire une version aussi beaucoup plus piquante, parce qu'il y en a qui aiment leur cocktail un petit peu plus relevé, bien, il y a le rice au gingembre qui pourrait faire aussi l'affaire dans cette recette-là. Ça donnerait un petit kick qui est totalement différent de celui qui est à la citronnelle. Ça va être un petit peu moins... comment je pourrais dire? Amer. Ça va être un petit peu plus piquant. Ça va être un petit peu plus corsé comme style de cocktail. Et vous allez mélanger tout ça au malaxeur et ça va vous donner vraiment une slush. Mais encore une fois, vous allez pouvoir l'avoir avec un petit peu d'alcool. Juste besoin d'une petite paille puis... Exactement. La job. C'est vraiment très facile. En fait, vous allez sortir les cubes au moins 20 minutes avant de faire votre recette. C'est vraiment ce qui est important pour cette recette-là parce qu'ils ont besoin d'être plus mous. Mm-hmm. Et dans un récipient qui va être hermétique ou, par exemple, un shaker à cocktail, vous allez mélanger tous les ingrédients sauf le kombucha. Pourquoi? Parce que c'est pétillant. Hein? Ben oui. Fait qu'on veut pas que ça se plouche partout chez vous. Et vous allez bien brasser jusqu'à ce que les cubes de smoothie aient fondu. Et par la suite, vous allez servir avec le kombucha quand vous allez mélanger pour le verre. C'est une maudite bonne idée, ça, j'aime ça. Je pensais qu'on pouvait le commander en ligne, mais non, c'est pas ça. Il faut aller en épicerie, c'est disponible dans les épiceries. Exactement, c'est disponible. Je me souviens plus lesquels qui sont distributrices. Ça dit Métro, IGA, ça disait Rachel Berry, Épicerie Santé, Marché Tao et Avril. Ça, je connais pas, mais en gros, IGA et Métro. Vous pouvez aller sur leur site evivesmoothie.com et vous pouvez taper votre code postal pour avoir les endroits où c'est disponible. Allez faire un tour sur leur compte Instagram. Mm-hmm. Pour ceux qui aiment beaucoup les photos de tout ce qui est fruits et Instagrammable, vous allez en avoir pour votre argent, vous allez voir. Et une des dernières recettes, en fait, dont je veux vous parler, c'est les rouleaux fruits. Mathieu, est-ce que lorsque tu étais jeune, tu aimais les fameux rouleaux fruits? Les fruits au long? Les fruits au long. C'est bon, ça. Mais là, je te donne une recette où tu peux te faire exactement la même affaire. Ah ouais? Ouais, mais ça va être encore plus santé. Okay. Donc, c'est l'incontournable numéro 1 de notre enfance, on va se l'avouer. Là. Qui n'aimait pas manger ces fameux rouleaux fruits-là, de le mettre en boule puis de se le mettre one shot dans la bouche? Donc, si tu avais ça dans ta boîte à lunch ou encore tu gossais ton ami pour en avoir un bout parce que toi, ta mère a trouvé que c'était pas des choses santé, fait qu'elle t'en achetait pas. Elle avait raison. Merci, maman. Bien là, c'est vraiment facile. En fait, ce que ça vous prend, c'est un sac Evive Smoothie, donc les fameux cubes smoothie Evive de ton choix. Donc, tu prends celui que tu veux. Par la suite, vous allez laisser les cubes sur le comptoir pour les faire fondre. On s'entend, là, laissez-les pas sur le comptoir, là, laissez-les dans le sac. Par la suite, vous allez les mélanger dans un robot culinaire pour obtenir une texture qui va être lisse, donc quasiment comme du lait, encore une fois. Et au déshydrateur. Donc, si vous avez un déshydrateur, on ne sait jamais, vous allez étendre le mélange sur une feuille paraflex et vous allez laisser déshydrater ça à 115 degrés pendant une dizaine de minutes en tournant les rouleaux à la mi-cuisson. Si vous n'avez pas de déshydrateur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire au four. Donc, comment est-ce que vous faites? C'est dans un four chauffé à la plus basse température possible. Vous allez laisser cuire les rouleaux aux fruits en les observant une fois de temps en temps pour pas que ça brûle. Et tout dépendant de la chaleur de votre four, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il faut vraiment y aller selon la texture que ça va avoir. Puis surtout, de vérifier que ça n'est pas en train de cramer votre four. C'est de laisser erreur. Vous allez finir par avoir une formule. Exactement. Et vous allez pouvoir la reproduire après. Exactement. Mais on y veut vraiment la température la plus basse à laquelle vous faites aller dans votre four. Et une fois sec, vous allez placer les rouleaux sur un papier parchemin. Vous allez couper des bandes que vous allez rouler pour donner le même look qu'un fruit au long. C'est malade pour vrai. C'est vraiment cool. Là. Moi, je regardais ces recettes-là, j'étais comme, OK, je m'en vais manger les 3 sacs en fin de semaine. C'est sûr que c'est de la nourriture en sac, donc j'imagine que c'est plus cher que d'acheter des fruits et faire ses propres mélanges soi-même, là, parce que... C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais c'est tellement simple, c'est tellement rapide. Vous n'avez pas besoin de mettre en purée vos propres fruits à ce moment-là. Exactement, puis c'est fait aussi concentré avec certaines protéines, donc c'est pas nécessairement comme si vous faisiez une purée de fruits là, avec vos propres fruits. Si tu veux savoir, après nous, à l'UQTR, il y en a trois places. Donc, panier santé sur Sainte-Madeleine. Oui. Il l'a chez Provigo-des-Forges et il l'a chez IGA Jean 23. Donc, pas chez notre métro local, il l'a pas, mais donc IGA et Provigo à côté de l'UQTR, si ça vous intéresse. On adore ça. Voilà. C'est le temps de passer aux aliments du Canada en entier, qu'on entend peut-être plus ou moins parler. Le premier que je vais vous présenter, c'est celui de l'île du Prince-Édouard. C'est l'ail noir. Mmh. Qu'est-ce que l'ail noir? En fait, on le connaît un petit peu moins que l'autre ail qu'on connaît bien, là, qui est l'ail blanc. Mais c'est un nouveau condiment qui est à la mode dans les cuisines des grands chefs un petit peu partout dans le monde. Mais c'est ça pousse principalement à l'île du Prince-Édouard. Donc, le fermier prince-édouardien Al Piketz, c'est lui qui l'a découvert il y a 6 ans grâce à une amie qui était parisienne et le temps de convertir les grammes et les livres, les euros, les dollars puis tout ça. Bon, il s'est dit, je pense que c'est une bonne affaire, on va commencer à faire pousser ça à l'île du Prince-Édouard. Et c'est comme ça que le cultivateur d'ail a réussi à faire en sorte que l'île du Prince-Édouard, c'est maintenant la place où aller chercher l'ail noir. Il transforme les bulbes, il peut faire plusieurs recettes, plusieurs condiments aussi à partir de l'ail noir avant de les revendre 50$ la livre. Donc, c'est le tiers du prix payé à Paris. Déjà, en partant à Paris, c'est extrêmement cher. Mais ici, c'est devenu une espèce de petite mine d'or à l'île du Prince-Édouard de pouvoir cultiver l'ail noir et d'en faire aussi la vente un petit peu partout pour les grands chefs qui veulent l'utiliser dans les grandes cuisines. C'est sûr que de l'utiliser dans notre alimentation habituelle, c'est un petit peu plus difficile. Mais si on va chercher des recettes qui sont quand même assez parisiennes, qui sont quand même assez françaises, bien, vous allez pouvoir avoir l'option d'utiliser l'ail noir, ce qui peut être une alternative à la fameuse ail blanche qu'on connaît tous et qui, parfois, peut être très, très platounette. Oui, puis ça t'évite aussi d'avoir des vampires noirs dans ta maison. Oui, c'est ça, exactement. T'as bien compris. Puis, si vous voulez, par exemple, avoir une idée de ce que vous pourriez faire avec ça, bien, ça, bien évidemment, la couleur est de couleur charbon, donc ça peut rester sur les doigts, faites attention. Mais souvent, on va en tartiner la chair, donc on va l'utiliser comme une espèce de tartine. On va la mixer, en fait, avec un petit peu de crème sûre, puis on va utiliser ça sur du pain grillé. Mmh. Donc, ça va faire une tartine d'ail. Faut aimer l'ail, là, déjà en partant. Oui. Mais le goût est un petit peu moins fort que l'ail blanc. Donc, peut-être que certains aimeront mieux l'ail noir. Voilà. Oui. Vous pouvez la trouver à l'île du Prince-Édouard. Par la suite, la Nouvelle-Écosse, c'est le verdict du chef Alain Bossé, qui est l'ambassadeur de la cuisine des maritimes, et il l'appelle les pétoncles de Digby. Ce sont les meilleurs pétoncles au monde, apparemment. Wow. C'est là qu'on retrouverait, en Nouvelle-Écosse, les meilleurs pétoncles. Point final. C'est tout ce qu'on dit. C'est vraiment là qu'il faut aller chercher nos pétoncles, peu importe d'où on vient. Et ce sont des mollusques qui doivent leur nom à un petit village de pêcheurs de la baie de Fundy. Donc, ils sont particulièrement charnus. J'imagine que la plupart d'entre vous avaient déjà vu une pétoncle. Mais c'est nourri aussi par les sédiments des marées des ampleurs exceptionnelles. Donc, c'est un petit peu, ça ramasse les cochonneries des marées. Mais pour eux, ça les fait grossir. Donc, si on veut des grosses pétoncles, c'est bon d'avoir un petit peu de cochonneries. Mais de bonnes cochonneries, on s'entend, là, on veut pas vous souliers dans l'océan. Cochonneries de qualité. Mais exactement. Donc, on retrouve ça en eau salée, bien souvent, et c'est presque impossible de voir la différence avec ceux qui sont frais et de la façon qu'on va les cuire. Mais si on veut vraiment les meilleurs pétoncles, c'est en Nouvelle-Écosse que l'on va les trouver. Ah, sais-tu comment j'appelle mon pétoncle de compagnie? Non. Pétoncle Georges. Pétoncle Georges. Pétoncle Georges. Mathieu, hein? Si je te dis quel est, comment je pourrais dire ça, quel est le meilleur aliment du Québec? Le meilleur aliment du Québec? Ouais. Est-ce que c'est un fromage qui fait squeak squeak? Eh bien non. Non? C'est la tomate. Ah. La tomate Savignac. En fait, c'est un frère de la congrégation de Saint-Viateur qui, après une première carrière de chanteur, a décidé de se lancer dans l'horticulture. Après avoir chanté la pomme, il chante la tomate. Exactement. En même temps qu'il adoptait un régime qui était végétarien, justement dans l'espoir de pouvoir améliorer sa santé. Donc, il n'y a pas eu de succès du côté du végétarisme. Du okay. Mais du côté de l'horticulture de la tomate, ça l'a poussé, je vais vous dire, et il y a eu succès là-dedans. Donc, on a eu une sélection méticuleuse et il a adapté les semences d'un cultivateur et on l'a adapté au climat qui est rigoureux au Québec. On s'entend de faire pousser des tomates, ça demande quand même un climat assez exceptionnel. Puis ici au Québec, de faire pousser quelque chose, c'est quand même assez difficile la plupart du temps, mais on a réussi à le faire et c'est devenu particulièrement productif en fruits juteux et sucrés. Donc, ça a commencé en 1995 et ces tomates ont survécu. Elles ont été classées dans l'arche du goût du mouvement Slow Food. Donc, c'est une des meilleures tomates au monde, apparemment. Eh ben! Ici, au Québec. Sais-tu comment j'appelle ma tomate de compagnie? Non, quoi? Tomate de Tank Engine. Comme le train Thomas. Tomate de Tank Engine. Oh, mon Dieu. Ouais. Mathieu. Mmh. C'est terrible. Je termine avec l'Ouest canadien. Oui. Mais plus précisément avec le Manitoba. Si on parle de sirop, automatiquement, on pense au Québec. Sirop d'érable, ben oui. Sirop d'érable. Mais non, le sirop de bouleau. Oh, bouh! Sirop de bouleau. Oui, le sirop de bouleau. Oh. En fait, on associe tellement le Canada au sirop d'érable qu'on a souvent oublié au passage qu'il y a d'autres essences d'arbres qui peuvent aussi produire une sève sucrée et qui est très, très bonne sur des crêpes, par exemple. Les Amérindiens utilisaient déjà, il y a des centaines d'années, le bouleau pour faire leur sirop. Et au Manitoba, on a gardé cette mentalité-là. Donc, il y a des fermiers canadiens, dont plusieurs au Manitoba, qui ont relancé cette filière-là d'utiliser le sirop de bouleau. Et sans peine, parce que en fait, ça fait trois fois plus de sève chez le bouleau que chez l'érable pour produire un litre de sirop. Donc, c'est beaucoup plus productif de faire du sirop de bouleau que de faire du sirop d'érable. Mais on a des résultats qui sont très intéressants du côté du Manitoba. Et le sirop de bouleau, c'est d'ordinaire plus ambré. Son goût va être beaucoup plus prononcé aussi que celui du sirop d'érable. Et on l'utilise en finition. Par exemple, pour un plat de viande, on va glacer des légumes avec ça, tu sais, faire sauter des petite carotte là, dans le sirop d'érable, ben là, on va le faire dans le sirop de bouleau au Manitoba. Puis aussi, ça peut très bien accompagner un fromage de chèvre. Oh. Donc, essayez de vous procurer du sirop de bouleau pour voir qu'est-ce que c'est autre que le sirop d'érable. Ça vient du Manitoba. Peut-être que si jamais vous avez des gens qui vont dans l'Ouest canadien une fois de temps en temps. Allez-y vous-même. Allez-y vous-même. Sinon, informez-vous peut-être aux épiceries. Si ça se trouve ici un petit peu partout, parfois, peut-être qu'on peut avoir une chance quelconque qu'il y ait de l'exportation du Manitoba vers le Québec pour faire de l'échange de sirop d'érable versus le sirop de bouleau. Après les échanges scolaires. Exactement. Hey, sais-tu quelle station de radio écoute mon boulot de compagnie? Non, qui? Ma radio au boulot. Ah mon Dieu. Ça, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. C'est terrible, Mathieu, c'est terrible. Fait, oui. Je vous parlais de Santé Canada qui revoit le guide alimentaire canadien. Oui. En fait, on revoit les principes qui sont les lignes directrices du guide alimentaire. Et présentement, on en a sorti les nouvelles grandes lignes. Donc, la première, qui est le principe directeur numéro 1, c'est une variété d'aliments et de boissons nutritives qui est le fondement d'une alimentation saine. Ça, on le dit, c'est déjà en partant pas mal tout le temps la base d'un guide alimentaire. Même si on se fie à l'ancien guide alimentaire, ça disait pas mal la même affaire, d'avoir une bonne variété d'aliments et de boissons nutritifs. Mais si on y va avec, par exemple, les grandes lignes, eh bien, la consommation régulière de légumes, de fruits, de grains entiers et d'aliments riches en protéines, surtout en protéines d'origine végétale. Ça devient une des premières grandes lignes, ce qu'on ne voyait pas nécessairement avant dans le guide canadien. Et on trouve ça très intéressant que Santé Canada mette l'accent justement sur les aliments d'origine végétale de plus en plus. C'est cohérent en fait avec la science et les besoins des Canadiens qui est de plus en plus accru à ce niveau-là. Mais ceci étant dit, ça poursuit un petit peu dans la ligne de pensée un petit peu plus loin. Par exemple, il faut augmenter la proportion d'alimentation, d'aliments d'origine végétale dans les épiceries, dans l'alimentation aussi, sans nécessairement exclure tous les éléments d'origine animale. Il y en a beaucoup qui ont qui ont des gros débats par rapport à savoir si c'est mieux d'être juste végétal ou d'être juste animal, ouais. c'est qu'il faut garder une bonne proportion. Et c'est ça qu'on va mettre de l'avant du côté du nouveau guide alimentaire canadien avec ce premier grand principe-là. Le deuxième, c'est l'inclusion d'aliments qui contiennent surtout des lipides insaturés ouais. plutôt que des lipides saturés. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est d'un point de vue nutritionnel, remplacer les lipides saturés par des insaturés, c'est très bénéfique pour l'être humain. Par contre, c'est un facteur parmi tant d'autres, parce que bien souvent, si on va regarder sur une boîte de, je sais pas moi, de pâtes, bien, on va juste voir le nombre de lipides, point, mm-hmm. et par la suite, on va voir les lipides saturés et insaturés en dessous. Donc, c'est ça qu'il va falloir commencer à regarder un petit peu plus. Et on le formule aussi de façon aussi nutritionnelle. Donc, on a peur que les aliments de base soient désavantagés. On a peur aussi qu'au détriment des aliments transformés, par exemple, le beurre, eh bien, on pense que ça commençait, ça pourrait peut-être décourager la consommation, tandis qu'il y a certaines autres huiles, oui, oui, qui a été prouvée à ne pas être vraiment meilleure que le beurre. Donc, c'est encore de pouvoir voir à un juste milieu qu'est-ce qui est meilleur pour la santé de quelqu'un et qu'est-ce qui est meilleur pour la santé de quelqu'un d'autre. Par la suite, la troisième grande ligne, consommation régulière d'eau. Ah, c'était pas dans le guide? C'était pas dans le guide étrange. Alimentaire canadien. C'est pas besoin d'aller plus loin, en fait, c'est vraiment juste... L'eau, c'est la vie, hein? Il faut boire de l'eau souvent, chose qui a été mise de côté quand même pendant des années, et il va falloir que ça accompagne d'une recommandation privilégiée, comme par exemple... faire une différence entre l'eau et la boisson. Oui. Donc, par exemple, le café, le thé et tout ça, c'est pas calculé comme étant boire de l'eau, chose qu'on a oublié pendant plusieurs années du côté du guide alimentaire canadien. Là, on essaie vraiment de le remettre de l'avant, c'est de boire de l'eau, là, de la vraie eau, là, normale. Appétitiante, hein? C'est ça, et de pas avoir peur avec ça. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, boire de l'eau, c'est plate. » Ouais, mais t'en as besoin, pareil. C'est ça. Donc, quand même. c'est vraiment de voir qu'est-ce qui... Parce que ce sont des discussions présentement du côté du guide alimentaire canadien. C'est pas sorti encore. C'est pas sorti encore. Ils ont pas terminé de travailler sur le projet. Mais sachez qu'ils sont ouverts aux avis. Donc, vous pouvez aller donner votre avis. Ils sont en période de consultation jusqu'au 25 juillet du côté du guide alimentaire canadien. Et vous pouvez aller sur le site Internet du gouvernement du Canada, puis par la suite, ou juste taper sur Google, guide alimentaire canadien. Vous allez pouvoir donner votre avis et avoir aussi une version préliminaire de ce que va être le prochain guide alimentaire canadien. Un petit avant-goût, une bande-annonce. Exactement, c'est excitant. Hey, c'est super intéressant, j'aime voilà. ça. Merci, Tania. Fait plaisir. On a parlé de fruits au long tantôt. Je viens de voir une publicité à la télé hier. Une publicité en anglais, OK? Non, en français, excuse-moi, en français. Une publicité en français. Et là, ça parle, bon, blablabla, il y a un concours et vous allez pouvoir gagner, je sais pas quoi, par rapport à... un emballage de fruit au long. Fruit au long. Fruit au long, c'est en français. Oui, c'est ça. En anglais, c'est fruit by the foot. Fait que dis pas fruit au long. C'est vrai, hein? Google est ton ami. Va écouter comment la petite madame Google le dit. Sérieux. Bref, mais tout ça m'a inspiré. Je sais pas si tu savais que fruit by the foot ou fruit au long, c'est fait par Betty Crocker. Ah non, je savais pas. Je te jure. Mais comme j'ai pas de chanson par un band qui s'appelle Betty Crocker, ni de chanson qui s'appelle Betty Crocker, j'ai trouvé une chanson qui s'appelle Willy Wonka. À la place. Wonka. Voici Rose Fargo sur C'est fou. 89 FM. Wow. Willy Wonka par Rose Fargo à Assemblage Requis. On prend une pause au retour et Caroline, on va se dire comment vivre. Ah, ben oui. On va te dire quoi faire, moi. Je vais te renaître ça. C'est comme peur. Ça, c'est là. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 3 juillet 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où on va se dire un petit peu quoi faire. Là, je l'ai dit tantôt, là, mais on veut pas faire. On veut pas vous dire quoi faire. On va vous suggérer les choses à faire. Hein, exact. Dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage, c'est la chronique où on se donne des conseils de vie un petit peu. C'est le fun, faut de temps oui, en temps. On aime ça. Est-ce que tu ressens le besoin d'avoir des vacances, des fois, toi? Veux-tu qu'on s'en parle? C'est ça. Donc, demander d'avoir des vacances, ça peut être difficile. Des fois, dépendant de comment vous travaillez, de où vous travaillez, avec qui vous travaillez. On a tous droit à avoir un certain temps de vacances, dépendant peut-être de votre ancienneté, des trucs comme ça. Des fois, votre patron pourrait vous dire regarde, tu peux pas prendre de congé parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, c'est Ramit Sethi qui partage un petit script pour vous aider à peut-être convaincre votre patron à dire oui. Donc, c'est un article du New York Times, l'auteur du best-seller I Will Teach You to Be Rich. Ooh, okay. Suggère d'utiliser ce script-là mot à mot. Okay? D'accord. Je vais le traduire, je vais essayer de le traduire. Donc, j'aimerais demander des vacances du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre parce que je vais prendre une vacance en famille pendant ces jours-là. Pendant que je serai parti, je serai contactable par courriel, mais pas par téléphone. Je vais m'assurer d'avoir que nous ayons bon, quelqu'un pour couvrir mon travail pendant que je serai parti. Je vais aussi distribuer des instructions à mon équipe pour savoir qui doit s'occuper de quoi. Est-ce que c'est correct? Merci. Et signé par ton nom. Wow. Quand tu demandes ça comme ça, apparemment que ça passe mieux. ça passe mieux, ok. Ça dit que tu viens mitiger un petit peu, tempérer les soucis que ton patron pourrait avoir, comme de devoir te remplacer et de devoir trouver des gens pour faire ta job. Donc, si tu commences déjà à aligner le fait que tu vas pouvoir toi-même rediriger chacune de tes tâches les plus importantes et que les choses vont continuer de fonctionner pendant que t'es pas là, ça serait plus difficile pour lui de te dire non, apparemment. Donc, c'est un langage plus nuancé qui augmente les chances qu'il va dire oui. On dit aussi qu'on devrait s'assurer d'envoyer le courriel plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance pour donner à votre patron tout plein de temps pour planifier la vie autour de tes vacances. Ça change-tu vraiment quelque chose? Je me le demande, mais c'est un article d'un best-seller du New York Times. Donc, écoute, ça doit être vrai. J'y ferais au moins l'essayer, parce que c'est sûr que demander à ton patron une semaine à l'avance, je prendrai des vacances la semaine prochaine si tu es avec toi, ça se pourrait que ça passe moins bien. C'est vrai. Donc, si tu suis ces conseils-là, d'après moi, il y a au moins une meilleure chance que ça fonctionne. Ensuite, quand tu vas chez le médecin, tu vas des fois chez le médecin, j'imagine. Hey, ça fait vraiment longtemps, j'ai pas été. Tu veux dire pour un check-up annuel, mettons? Pour être sûr que t'as pas un cancer, quelque chose. Ça fait vraiment longtemps, j'ai pas été voir mon médecin. Mais tu penses pas qu'en attendant plus longtemps, il va trouver plus d'affaires? Ouais, c'est pour ça que je vais pas. C'est ça, okay, je comprends. Donc, est-ce que ça t'arrive des fois de ne pas comprendre ce que ton médecin dit, mais tu fais C'est très rare. C'est rare. T'es une fille qui pense vite puis qui est capable de se rappeler de ces choses-là? Ouais. Parce que moi, j'ai tendance à subtilement, sans qu'il sache, enregistrer la conversation sur mon téléphone, pour dire. Non, parce que je pense que du côté santé, j'ai une découverte, mais je fais quand même assez beaucoup de recherche. Une curiosité pourquoi. Là-dessus. Ouais, j'ai une certaine curiosité. Puis j'écoute des émissions de santé, fait que. Je comprends ça. On dirait que ça change tout. J'aime ça. Mais bref, quand tu vas voir ton médecin, à la place de faire juste ouin ouin ouin ouin, comme moi des fois, il faut suivre le conseil. Donc le docteur, le rôle de ton médecin n'est pas terminé lorsque tu décris ton problème. Donc il n'y a pas juste à trouver ta solution. Il faut après ça, quand il t'explique des affaires, c'est à toi de le comprendre. Donc lui, sa job c'est aussi de t'expliquer les choses. Surtout s'il te fait signer des papiers ou quelque chose comme ça, ou peut-être pour participer à une étude ou des trucs comme ça. Donc, il y en a qui font mieux leur travail que d'autres par rapport à l'explication. Il y en a qui vont dire, bon, ben, gars, je te prescris telle affaire. Puis là, tu demandes, ouais, mais tu sais, est-ce que ça va me faire tel effet secondaire? Les dit, gars, je te dis, prends ça. Mon médecin, c'est ce qu'il fait. Prends ça. Hein? Donc, selon encore est-ce une fois. Est-ce que t'es du genre à demander pourquoi? Je pose beaucoup de questions. Ah ouais? Ok, je suis pas du genre à demander pourquoi. Non, on dirait que je veux savoir pourquoi, je veux savoir qu'est-ce que je prends, je veux savoir qu'est-ce que ça va me faire. Ouais, je comprends. Les effets secondaires que j'ai sur ce que je prends comme médicament en ce moment m'énervent tellement que j'aurais aimé ça savoir avance. Ah, je suis pas sûr que j'aurais appris ça. Ouais. Mais, donc, le New York Times nous dit qu'il faut poser les bonnes questions. Vous allez avoir une meilleure chance de comprendre, bien sûr. Donc, on commence en faisant un résumé de ce que tu as entendu dans tes propres mots. OK. Et là, tu demandes ça au médecin. Tu poses la question au médecin. Donc, si vous êtes bien clair, vous me dites que... C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, je suis en train c'est de... ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ça donne une chance au médecin de corriger si tu as des... mal compris la chose. C'est ça. C'est une bonne compréhension c'est à l'écoute. Ça. Et c'est une bonne stratégie pour se rappeler d'à peu près n'importe quoi dans la vie. Si quelqu'un te dit son nom, tu dis ah, enchantée, Tania. Oui. Ça va faire. Mais moi, je suis genre à faire ça. Hein. Je suis genre à tout le temps rappeler le nom de la personne à qui je parle dans une conversation. Mais c'est un défaut de travail. Ben, de communication. Les gens en communication ont l'air d'avoir appris ça parce que moi, j'ai beau croiser des gens que ça fait 300 fois que j'y croise. Oui. Je ne sais pas du tout leur nom, mais eux sont tout le temps. Et c'est Mathieu. C'est Mathieu. Oui. Tout le temps. On dirait qu'ils ont appris ça. Cultiver le nom de la personne, ça le sent. Si je te recroise, peut-être que je ne saurais pas ton nom. Mais pendant qu'on a la conversation, je vais répéter ton nom pour que tu sois sûr que tu m'écoutes. Ensuite, on dit de demander une copie écrite de vos instructions ou même peut-être des photos ou des vidéos. C'est drôle parce que quand je vais chez mon vétérinaire pour mon chat, OK? Fait quelques années que je peux aller, mais il y a quelques années, mon chat avait des problèmes de yeux. Bref, et le médecin écrivait ça sur un document Word et me faisait imprimer ça. J'avais tout le temps la raison des gouttes que je donnais, comment les prendre, quoi faire, au complet. Mais quand tu vas chez le médecin toi-même en tant qu'humain, ce qui est pourtant la même chose, je veux dire, c'est des instructions similaires. Ils le font pas. Ah! Ça plate. Ils font en pharmacie quand tu vas chercher un médicament, ils vont te dire, bon, mais prends les médicaments telle fois dans la journée, bon. C'est vrai. Mais ton médecin, lui, non. En tout cas, la plupart. C'est peut-être parce qu'il se fie automatiquement sur la pharmacienne ou le pharmacien. Pour les médicaments, mais pour le reste, mettons que tu as des étirements à faire, je sais pas trop quoi, il me semble qu'il devrait. Ensuite. Donc, on peut le demander quand même. Ça ne veut pas dire que ton médecin va être réceptif à te faire une petite feuille, mais ça vaut la peine d'essayer quand même. Ensuite, demandez ou posez à votre médecin la question de qu'est-ce qui peut être le meilleur scénario, le pire scénario et le scénario le plus probable dans ce qui t'arrive. Okay. Donc, ça pourrait t'aider à classer les risques, comprendre si la procédure, l'opération, le traitement ou peu importe vaut la peine pour toi. Donc, bon, le meilleur scénario, ce serait que tu sois super en santé et tu n'aies plus jamais de problème. Le pire scénario pourrait être que tu meurs d'une mort atroce. Et le scénario le plus probable, c'est que les choses vont bien aller, mais peut-être qu'il va falloir réajuster la dose. Peut-être, je sais pas, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, pour pouvoir peser les pour et les contre. Ensuite, c'est la dernière suggestion, c'est d'explorer des options de traitement alternatifs et demander les pour et les contre de chaque. Évidemment, ça dépend en quoi vous croyez. De la petite thérapie maison, c'est pas toujours super efficace. Non. Mais bon, il pourrait quand même vous dire les pour et les contre que chaque affaire aurait. Et si peut-être que ça vaut la peine de commencer par quelque chose d'un petit peu plus home style et après ça, y aller avec quelque chose de plus médical. Donc, sachez dans quoi vous vous embarquez en posant des questions à votre médecin. Ensuite, on change mais complètement de sujet. On parle de nettoyer sa toilette. OK. Des fois, quand tu laves ta petite... quand tu lèves ta toilette avec une brosse... Ouais. Bon, ta brosse est sale. Ouais. On se comprend, tu viens de laver ta toilette. Bon, t'as flush un petit peu dans l'eau. Ouais. Bon, tu flushes la toilette, puis tu prends un petit peu d'eau dessus aussi. Bon. Mm-hmm. Et après ça, tu vas la remettre dans ton rack à brosse. Oui, puis ça m'écœure. C'est dégueulasse. As-tu déjà regardé dans le réceptacle la brosse? Oui, c'est vraiment dégueu. C'est dégueulasse. Donc, nettoyer une toilette, en général, c'est dégueulasse, mais il faut avoir les bons outils pour la tâche. Si vous avez déjà regardé votre brosse de toilette ou le rack de votre brosse de toilette, c'est un conseil pour vous. C'est une vidéo de la chaîne Clean My Space, une chaîne sur YouTube. Melissa Maker. Melissa Fabricant, comme on l'appelle. Oui. Partage ses meilleurs petits tuyaux, ses meilleurs petits conseils, dont une façon d'assécher votre brosse de toilette. Donc, après avoir lavé votre toilette, après avoir bien frotté, vous allez flusher la toilette et vous allez laisser l'eau rincer la brosse. Ça, tu vois, j'avais déjà un bon début là-dessus. Donc, tu laisses ta brosse dans l'eau pour que l'eau vienne passer dessus. Et ensuite, tu mets la poignée de ta brosse sous le siège de la toilette. OK. Donc, tu vois, mettons, tu as ta brosse de toilette avec le côté long vers toi. Ouais. Et tu viens fermer le couvercle sur le rebord de, okay. De ta brosse. Donc, après le rebord, mais sur la poignée que tu tiens. Et ça va sécher à l'air ambiant sur la toilette. Donc, tu vas pouvoir. Mais elle va pas retomber? Non, parce que le siège de toilette la tient. OK. Tu comprends? Le siège, le siège sur lequel tu t'assois, pas le siège complet, pas le dernier siège. Et bref, ça va tenir. Évidemment, il va falloir que tu t'adaptes un petit peu. Peut-être que ta brosse de toilette est faite en rond puis que ça tient mal. Là. Il va falloir que tu achètes une qui peut se faire tenir par le siège. Ça dépend de la brosse que tu as. Mais bref, au moins, ça va couler dans la toilette. Et une fois que c'est sec, vraiment sec, vous pouvez la remettre dans son rack et pas avoir à penser au fait que ton fond de rack va être dégueulasse. Faut juste que tu rappelles aux gens que tu viens de laver ta toilette puis que ça se peut que la brosse soit là, c'est oui. bon. Mais j'imagine que quelqu'un va s'en rendre compte. C'est pas comme si ouais, ça ranera sur le bord de la toilette. Non, hein? Ensuite, des fois, quand tu veux relaxer un petit peu, tu te mets peut-être du bruit ambiant. Il y en a qui se mettent de la pluie, il y en a qui se mettent du vent, il y en a qui, je sais pas, le ventilateur ou la fan, des fois, ça peut aider à relaxer. Ici, on a des scènes de jeux vidéo calmantes qui font du très bon bruit de fond. Et en plus, t'as une belle image en HD sur ta TV. Hein? Donc, ce qu'on voit sur assemblagerequis.com, c'est une scène de Grand Theft Auto 5. Personne n'aurait pu imaginer ça, mais on voit les arbres, le vent, le son des oiseaux, un peu comme nous dans nos fonds en ce moment. Et la scène, donc, vient vraiment d'un jeu vidéo super violent. Les développeurs de jeux passent des mois ou même des années à travailler sur les environnements du jeu seulement pour que les joueurs se sentent comme chez eux, mais on passe devant puis on s'en rend même pas compte. On est là puis on passe devant le bois. Il n'y a personne qui porte attention au fait que le bois a été fait avec amour et cœur. Hein, on n'arrête pas devant le bois. Ben, vous pourriez le faire. Donc, c'est la chaîne YouTube Sleep Ambient HD qui l'a fait pour vous en coupant cette scène-là et en la mettant sur YouTube pour que vous puissiez vous en servir sur votre télé haute définition. Donc, placez ça sur votre TV 60 pouces ou peu importe pendant 6 heures et vous allez pouvoir vivre des moments relaxants sur la chaîne YouTube Sleep Ambient HD. Voilà. On suggère aussi d'utiliser des trames sonores. Je me rappelle en avoir déjà parlé dans la chronique, mais des trames sonores de jeux vidéo, des fois, c'est très relaxant. Ah, ben oui, c'est vrai. Pas du chiptune comme joue Mathieu Planchot, là. Je parle de trames sonores de jeux vidéo qui sont faits pour être calmes. Oui. Okay? Qui sont faits pour que tu te concentres sur un puzzle. C'est ça. Ensuite, on parle souvent que le dimanche, on devrait arrêter les activités, le fun, et faire de la bouffe pour la semaine. On dit ça des fois? Oui. Le dimanche, bon. Ici, à la place, on va comme remplacer ça, peut-être pas remplacer ça, mais compléter ça avec ce qu'on appelle la Sunday Power Hour. Oh, bon Dieu. Une grosse heure dans laquelle vous allez accomplir vos travaux que vous avez à faire, vos tâches ménagères, toutes les tâches en une seule heure le dimanche pour pouvoir profiter du reste de votre fin de semaine et bien commencer votre semaine. Donc, tout le monde a plusieurs choses à faire. Bon, ça pourrait être de ranger vos trucs pour le travail dans votre sac à dos, peu importe. Mm-hmm. Ça pourrait être de se ramasser quelques options de repas légers ou des collations pour la semaine au complet. Donc, un petit peu de meal prep, comme on appelle des fois, où on fait de la nourriture pour la semaine. Faire des proportions pour faire des ingrédients de smoothie. Ça pourrait être de mettre justement des fruits en sac pour pouvoir faire vos smoothies pendant la semaine. Ça pourrait être de trancher des fruits, des légumes, peu importe. Ensuite, on regarde son horaire. Donc, on regarde la semaine qui s'en vient, si on a des réunions, si on a quelque chose à préparer à l'extérieur de ce que tu as préparé normalement. Et te faire une hit list pour le lundi. Donc, écrire ce que tu vas devoir attaquer première chose quand tu arrives au lever du soleil lundi pour ensuite focusser quand tu quittes ton appartement ou ta maison. Donc, pour te préparer pour la semaine, une power hour. On peut ensuite ajouter des tâches ménagères, des tâches personnelles. Je sais pas, ça peut être... je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Tu t'arranges les cheveux pour la semaine, tu sais pas? Non, là, je fais pas grand-chose. Je relaxe du reste. T'es pas une fille typique, là. Il y a des filles qui vont prendre leur dimanche pour faire l'entretien de leur corps ou je sais pas trop quoi. Bien, parfois, je vais faire... Non, c'est pas parfois. C'est, mettons, une fois par mois, là, je vais faire le gros ménage. Ouais. C'est plate en faire ça. Mais... Si tu divisais en c'est une heure par semaine. Parce que bien souvent, le dimanche, là, c'est la seule journée où je travaille pas. Ouais. Ah, je comprends ça. On a tous des choses à faire à différents moments de la journée, mais c'est si ça. Ça vous intéresse, la Power Hour du dimanche pourrait être utile pour vous. Ensuite, on va essayer de penser plus, de façon plus rationnelle en faisant semblant qu'on donne des conseils à quelqu'un d'autre. Non! Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est exactement ça. Donc, quand tu as une décision difficile à prendre, c'est difficile d'être rationnel parce que tu es pris dans ton propre monde, ta propre façon de penser. Donc, une façon de passer par-dessus ça, c'est de te demander si c'était quelqu'un d'autre à qui tu donnais ce conseil-là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Non, c'est dans une petite vidéo. J'aime déjà pas toutes les réponses que je mettais en tête. Fait que tu t'aimerais pas même, je pense. Donc, Dan Ariely, c'est un psychologue et l'auteur de Predictably Irrational, The Hidden Forces That Shape Our Decisions. Il nous dit que quand t'as à gérer les problèmes de quelqu'un d'autre, tu te mets au... quittes ces problèmes-là, tu vois ça de l'extérieur un petit peu plus et tu peux offrir de vrais conseils. Donc prends cette idée-là et fais-le pour toi-même en te retirant de la situation. Imagine que tu es quelqu'un de l'extérieur, un professeur, un thérapeute ou peu importe, et donne les sujets, les conseils que tu donnerais à quelqu'un d'autre. Voilà. Facile à dire, hein? C'est très facile à dire, mais fais-le à cette heure. Fais-le. C'est complètement différent. Hey, non, je refuse. Je refuse. On revient aux tâches ménagères un petit peu. Quand tu invites des gens chez toi, et là, le ménage n'est pas fait. Ouais. Tu veux faire un ménage de dernière minute, mais tu n'as que quelques minutes. Par quoi est-ce que tu commencerais? Le salon. Oui, en effet. Le salon, peut-être la salle de bain. Oui, aussi. Laver la toilette, sortir la serviette pour les invités. Sinon, est-ce qu'ils font juste passer ou ils viennent passer du temps? Je pense qu'ils viennent juste passer, mais quelques heures, mettons. Quelques heures. Je me croise les doigts pour pas qu'il y ait envie. Je fais juste le salon, un petit peu la cuisine. Lave la toilette. Puis je ferme la porte de ma chambre. Oh, ça j'approuve. Tu fermes la porte de la chambre. Ouais. Tu fermes les garde-robes des autres pièces. Tu t'assures qu'ils sont bien bouclés avec quelque chose devant pour pas qu'ils les ouvrent. C'est ça. Parce qu'ils fouillent pas dans mes affaires. Je suis d'accord avec toi. Donc, si t'as des invités à la dernière minute, ça pourrait être stressant un petit peu d'avoir à faire plein de ménage. Donc, l'idée ici est de ne pas faire tout le ménage. C'est Apartment Therapy qui nous dit qu'il y a 3 choses à nettoyer pour que votre place soit présentable. Donc, Apartment Therapy nous suggère de nettoyer seulement quelques affaires. Donc, la toilette, je l'avais dit. Mm-hmm. Les coupes. Ben oui, les coupes. Ben oui, mais mes coupes sont tout le temps propres. Pour pouvoir servir du vin. Et le divan. Oui, ok, ouais, je suis d'accord. C'est dit que t'es invité. De comme replacer tes coussins. Exactement. Peut-être vider la table de tous ces magazines et autres trucs comme ça. Ça dit que tes invités vont probablement utiliser ta salle de bain. Donc peut-être que juste un petit croche à la salle de bain pourrait être bien. Mais c'est pas dans les 3 trucs qui est plus important. Passer la guenille sur le comptoir. Là. Prenez des serviettes humides au pire puis lavez juste le dessus de la toilette. C'est ça. Pas compliqué. Ferme le couvercle, exactement. Et assurez-vous qu'il n'y ait pas de poils d'animaux de compagnie sur le divan au moins. Ça pourrait être une bonne chose pour que. Parce que c'est là qu'on va passer la majorité du temps. Bon, 80% du temps, 75% va être passé assis sur le sofa. Enlevez les poils de chat. Donc c'est ça. Comme on a dit, les coupes pour les boissons, les drinks. Mais je sais pas si je suis la seule. Mais si je vais chez quelqu'un. Ouais. Je préfère m'asseoir à la table que sur le divan. Ah, ben ça dépend des gens, c'est ça. Oui, si t'invites quelqu'un qui va s'asseoir à la table, laisse tomber le divan. Ouais. À la table. C'est un bon point. Je sais pas pourquoi. Je rajouterais peut-être, et l'article mentionne ça, en bref. Ça dépend pourquoi tu viens chez moi. Oui. Tu sais, si tu viens regarder un combat du UFC, c'est beau, c'est correct, assis-toi sur le divan. Si tu viens manger ou boire. Mais si tu viens juste me voir, assis-toi à table. Assis-toi à table. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ton salon va être hors limite? Tu vas fermer la porte s'il y en a une? J'ai pas de porte. C'est à air ouverte. Ma cuisine est avec mon salon. Mmh. Ils vont le voir, donc même sur ta cuisine, ils vont voir ton salon de loin. Ils voient direct à côté, là. C'est à côté-côté. Fait que peut-être qu'il y a les poils de chat. T'as pas de chat. J'ai pas de chat. Ouais. Fait que ça fait mon affaire. Ça veut dire que t'as plus d'animal de compagnie? Non. À part Cynthia. Sa coloc. Salutations à ma coloc. Salut. Non, j'ai plus d'animal de compagnie. Par contre, j'ai y a mon voisin qui a un animal de compagnie en face. Ah. C'est correct, c'est beau, je l'entends. Ah, ça commence bien, hein? T'es là depuis une semaine. Tu trouves déjà ça long avec le chien? C'est un petit chien, là, tu sais, qui jappe aigu. Aigu, hein? Ouais. C'est ça. Non, je suis d'accord avec toi, les appartements, c'est pas toujours le fun. Mais c'est une maison qui est en avant. Ah, oh. C'est pour t'entends ça. T'entends le chien du voisin à la maison? Wow. Ouais. Cool. Mais je pense qu'il est souvent dehors. Ça doit être ça. En tout cas, êtes-vous content de savoir ma vie maintenant? T'as bien tout? Non. Pour ceux qui ont un animal de compagnie, on suggère aussi, même si c'est pas dans le top 3, de peut-être faire l'Aldia. Peut-être, ça pourrait être bien, parce que ça sent la pisse de chat et l'ammoniaque. Ah ouais. Bref, voilà, donc c'est des conseils de quoi faire en premier. Donc, on parle de la toilette, on parle des coupes pour le vin et on parle du sofa. Mm-hmm. Ou peut-être la table. Ouais. Ouais. Je pense une guenille, ça, c'est sûr. Tu sais, je la lave. Ouais. J'ai entendu dire, je me rappelle, c'est la semaine passée qu'on a parlé de ça, que t'étais encore, même si tu travailles à des heures un petit peu flexibles quand même, on va se dire ici cet été, tu préfères te lever tôt quand même. Oui. Tu te lèves tôt, tu disais quoi, 8h30? 7h30? Ben là, présentement, je me lève à 5h15 parce que j'ai pas encore de rideau, puis il fait clair dans ma chambre. Mais je me lève à 7h45, mettons. 7h45, 8h. Cool. Et tu te couches à quelle heure? Ça dépend des soirs. Ouais, mettons minuit. Ouais, mettons minuit. Mais souvent, ça va être 11h. C'est ça. Donc, mettons que tu veux te coucher plus tôt, tu devrais te faire un marché avec toi-même. Tu sais, the art of the deal, comme dirait Donald Trump, l'art de faire des affaires. Ouais. Donc, une façon de se coucher plus de bonne heure, on a, selon lifehacker.com, trouvé un petit truc qui fonctionne bien. Donc, c'est de se traiter comme un enfant et de se faire un marché, un deal. OK. Qui fonctionne toujours. Donc, il nous dit ici que... Il est... Ouais, attends un petit peu. Il dit que... qui est une de ces personnes-là dans l'article. L'auteur de l'article dit qu'il est une de ces personnes-là qui a jamais assez de temps dans la journée pour faire toutes les choses qu'il veut faire. Je suis pareil. Hein? C'est pas que t'es super occupé, c'est pas que t'as une job qui te demande ben du temps, c'est que t'as tout le temps envie de faire plus de choses, vivre des expériences, lire des choses, être curieux. Et tu sais que la vie est très très courte et tu veux moins dormir pour vivre plus. Oui. On se comprend. On se comprend. Mais le sommeil, c'est important. Oui, ben pour oui, la santé, tout à fait. Pour la tête aussi, et t'en as jamais assez. Donc, au premier signe, la première fois que tu vois que t'es en train de te sentir fatigué, hein, tu te prépares pour le lit et tu te fais un deal en disant « Ok, je vais aller juste me coucher, juste me mettre sur le lit, pas nécessairement pour dormir. Hein, et je vais essayer de faire une sieste pour 15 minutes. Et, puis, et si après 15 minutes, t'es pas capable de dormir, ben là, tu peux faire autre chose. » Tu comprends ça? Si je dors pour 15 minutes, là, mettons, là, il est 9h. Ouais. Là, non, mais essaie de dormir pendant 15 minutes, pas comme faire une sieste. Dans le fond, ça veut dire comme de te coucher. Si t'es pas capable de t'endormir dans 15 minutes, là, tu vas aller faire autre chose. Ouais, mais tu te couches tout habillé? Je sais pas. Tu pourrais le faire soit... Ouais, peut-être que tu pourrais le faire dans ton lit en tant que tel, juste te mettre en dessous des couvertures. Comme... Ça dépend, parce que moi, quand je fais une sieste, tu sais, je vais garder mes vêtements ou je vais, tu sais, peu importe, puis je vais me coucher sur la couverture, sur le lit, tu sais. Et là, si tu passes la nuit de même, tu seras pas super bien. Non. Fait que moi, je pense que j'irais comme me préparer à me coucher. Et si en 15 minutes, je me suis pas endormi, je me remets toutes mes vêtements et je m'en vais. Moi, je me prépare à aller me coucher. Ouais. Je m'assois sur, par exemple, le divan. Ouais. Je fais ce que je fais. Puis si je m'endors encore dans 15 minutes, je m'en vais me coucher. Bonne idée, ça. Je pense que je préfère ça. Parce que ici, on nous suggère une tactique similaire qui est de travailler sur une tâche pendant 5 minutes. C'est pour battre la procrastination. Si tu fais la tâche pendant 5 minutes, tu vas probablement revenir. Tu vas probablement être capable de continuer et de compléter la tâche. Et si, donc c'est la même chose, si t'es couché dans ton lit et que t'éteins les lumières, tu vas probablement t'endormir à l'heure où tu voulais t'endormir, donc au premier signe de la fatigue. Et si tu t'endors pas dans 15 minutes, tu te relèves, tu fais ce que tu veux et tu reviens refaire la même technique, peut-être une après heure. Après 15 minutes. Ben après un autre bout de temps. Tu penses t'avais hier à faire ça finalement? probablement qu'en fermant les yeux et en ayant les lumières fermées, oui, tu vas être capable de t'endormir. Ok. Même si t'es pas complètement super fini. Ouais. Je pense. C'est à essayer, c'est du essai-erreur. Ensuite, on parle d'anxiété par rapport à ton téléphone cellulaire. Tu veux tout le temps savoir ce qui se passe dessus, t'as l'impression de manquer quelque chose si t'es pas tout le temps sur ton téléphone. Ouais. Donc on se donne un petit conseil. Est-ce que c'est ça? Non, je m'excuse, je suis pas sur le bon article du tout. C'est le milieu de la chronique, je vais me récupérer ici. Donc on parle d'anxiété quand tu parles au téléphone avec quelqu'un. Mm-hmm. Okay? Donc t'es tendu à chaque fois que ton téléphone sonne, tu te dis ah, c'est bon, je viens d'avoir un appel de quelqu'un, je sais même pas c'est qui. Puis là je sais qu'il y a un message sur ma boîte vocale en ce moment, je sais qu'il va falloir que je la rappelle, ça me stresse un petit peu. T'sais. Parler au téléphone, ça peut être stressant, plus que parler en face à face des fois. Ou de texter. Ou de texter, exactement. Viens me parler sur message texte, sur Facebook, ça va être parfait. Si je t'appelle, soit c'est réponds-moi. Une urgence. Ouais. Soit j'ai peur parce que ça fait, mettons, exemple, je texte ma meilleure amie ou ma mère puis elle me répond pas après 3 heures. Ben là, je l'appelle. Oui. Tu sais, c'est inquiétant. Ben oui. Tu réponds pas. C'est sûr. Quelqu'un qui est habitué de répondre en X temps, je vais au moins te passer un appel, savoir si tu es correct. Oui. Et si tu connais pas quelqu'un, tu vas être stressé parce que, bon, tu peux même pas voir la personne comment c'est elle réagit. Tu sais pas, est-ce qu'elle est en train de rire de toi? C'est ça. Donc, pour combattre cette anxiété-là, c'est Alexander Queen. C'est un psychologue clinicien qui étudie les désordres ou les malaises, les anxiétés, les angoisses à l'université Tufts, qui suggère la restructuration cognitive restructuring, ou de changer la façon que tu vois les conversations téléphoniques. Donc, par exemple, si tu penses que tu vas déranger quelqu'un en appelant, dis-toi qu'il répondrait pas s'il n'a pas le temps de répondre. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, tu t'appelles quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Puis là, je te dérange-tu? Ouais. C'est stressant un petit peu. L'autre personne dit non, mais peut-être que ça veut dire oui. Ouais. La personne moi, j'ai déjà répondu. T'as déjà répondu? J'ai déjà répondu. Je rentrais dans la cabine de salle de bain. Puis là, la personne fait, je te dérange-tu? Je peux-tu te rappeler dans 5 minutes, mettons? Mais le problème est plus toi. Pourquoi t'as répondu? Parce que j'ai eu ça pour répondre à quelqu'un. Mais t'aurais pu le rappeler plus tard? Ou attendre le message sur la boîte vocale, ouais, puis répondre par message. Mais je sais pas si c'est urgent. Tu sais pas si c'est urgent. T'as peur de manquer une urgence, puis que la personne meurt, puis t'as pas le temps de dire « je t'aime ». Ouais, ça doit être ça, je sais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Si t'as peur de déranger quelqu'un, dis-toi qu'ils répondraient pas s'ils ont pas le temps de répondre, sauf Tania. Exactement. Moi, si je te réponds, je te rappelle. Et si t'as peur de t'enfarger dans tes mots, tu pourrais te dire que t'es pas la seule personne à qui ils vont parler, qui vont faire des gaffes verbales. Ça arrive à tout le monde de s'enfarger dans ses mots. Surtout au téléphone, c'est stressant. C'est vrai? Si tu vis quelque chose, c'est souvent comme trop. Trop planifié un appel téléphonique, ouais. La personne va t'appeler. Tu as trop pensé. Tu te donnes un scénario quand t'appelles quelqu'un. La pire affaire, c'est depuis quelques décennies, disons, ouais. C'est que quand t'appelles quelqu'un et que tu tombes sur la boîte vocale, tu peux réenregistrer le message. pour enregistrer le message nouveau, faites-le 1, mettons. Fait que là, t'es comme, tu te pratiques, tu veux faire le message parfait, je trouve que c'est pire. Moi, je laisse pas de message. Je laisse jusqu'à temps que ça fasse... Je raccroche. Ouais. Mais bref, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les gens sont plus stressés par rapport à leur propre performance au téléphone que l'autre personne va te juger. L'autre personne te jugera pas vraiment. Non, moi, j'ai c'est clairement peur de ce que la personne me juge. Voyons. Pourquoi tu m'appelles? Tu sais, j'ai tout le temps peur que quelqu'un fasse ça. Ouais. Pourquoi tu m'appelles? Donc, on se donne un but à la fin de l'appel. C'est selon Alison Pavlakis, qui est une professeure en psychologie clinique à Johns Hopkins University, qui recommande des buts comme rester en ligne pendant 5 minutes au complet. Donc, la clé ici, ce serait de garder d'avoir toujours un but qui est mesurable. Donc, tu commences avec une petite discussion, un petit blabla, genre sur la météo, peu importe. Et après ça, tu t'en vas à tes plus grands buts et tu vas apprendre à passer par-dessus ton anxiété. Donc, donne-toi un but, c'est-à-dire faire un appel de 5 minutes complètes, commençant par du petit small talk et ensuite ton but final, peut-être à faire avec des gens que vous connaissez pour vous habituer. Ouais, c'est ça. Un peu comme dans les coachs pour trouver une job, là, oui. Qui vont faire des simulations d'entrevue téléphonique. Exact. Donc c'est la même chose. Fais des simulations, mais avec tes amis. Pourquoi pas? Ensuite, est-ce que tu as des ceintures? Est-ce que les filles portent beaucoup de ceintures? J'en ai aucune idée. Ça dépend avec quel genre de pantalon. Ça dépend. Si tu as des jeans, ça se pourrait que oui. Ouais. Ça dépend quel chandail aussi je vais porter. Si je porte une chemise puis que je veux la mettre dans mes pantalons, je vais porter une ceinture. Parce qu'on va l'avoir, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Est-ce que tes ceintures sont tout le temps la bonne grandeur ou est-ce que tu finis par en acheter une autre ou est-ce qu'en changeant de poids, il te manque des trous? il me manque des trous souvent. Il manque des trous, ça arrive. Ben, imagine si tu avais une bonne façon de faire tes trous toi-même. T'aurais pas besoin d'acheter une autre ceinture. Quand j'étais plus jeune, mon père prenait un clou. Oui. Puis un marteau. Ben oui, ça existe. Il y a aussi des poinçons à ceinture, c'est vrai. Mais ici, on suggère d'utiliser du painter's tape, tu sais, le ruban adhésif qu'on utilise pour peinturer son appartement. Faire du découpage, exactement. Donc, si tu as un gros clou et du painter's tape, tu vas pouvoir te faire un trou de plus dans ta ceinture et s'assurer qu'il va fitter avec les autres. Parce que si tu fais avec un clou sans rien, des fois, ça va faire un petit effilochage sur le côté. Mm-hmm. C'est pas toujours aussi beau. Donc, c'est le site Manmade DIY qui nous fait la démonstration. On crée un template de sa ceinture, donc avec les points qui sont dessinés sur le painter's tape, d'accord? Pour pouvoir mesurer la distance entre les trous. On se comprend, pour pouvoir ajouter un trou qui est à exactement, je sais pas, 2,5 cm de long, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, on va rajouter des trous sur le tape et on va utiliser un clou pour faire un trou dans le tape, là où le trou de la ceinture aura à être. Mm-hmm. Une fois que tu as fait ça pour tous tes trous qui te manquent, tu enlèves le ruban et tu vas, après ça, regarde bien, tu comprends? OK, mettons, tu mets ton tape sur ta ceinture, tu fais les trous qui existent déjà sur ta ceinture. Okay? Ouais. Et après ça, tu enlèves le tape, tu le tasses d'une slot ou deux. Ah, je comprends. Pour voir les trous qu'il y avait déjà. C'est merveilleux. Et après ça, tu vas pouvoir compléter avec les autres trous à côté et en faire comme t'en veux. C'est pas fou. C'est cool, hein? Une fois que tu as ton template, tu peux aussi utiliser un punch, comme je disais, à cuir ou une drill électrique ou peu importe, à la façon que tu veux. Mais ça va être beaucoup plus facile de te faire des trous de ceinture à la bonne distance. La vidéo est sur assemblagehockey.com. Moi, je trouve que c'est cool comme conseil. Ensuite, on va essayer de se motiver un petit peu en prenant de nouvelles habitudes. Mm-hmm. Lorsque tu décides d'aller au gym, peut-être que tu le fais parce que tu te sens obligé, parce que tu veux perdre du poids, tu te forces à le faire, tu finis par pas y aller, bon. Donc, le site de conseil Afford Anything nous explique qu'il y a deux types de motivation pour se rendre à un but. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Donc, la motivation extrinsèque, c'est lorsqu'on déteste faire quelque chose, mais qu'on a une raison externe de le faire. Donc, t'aimes pas t'entraîner, mais tu veux perdre du poids, donc tu te forces à le faire. Alors que la motivation intrinsèque, elle, c'est quand tu vas au gym simplement parce que t'aimes ça, t'entraîner et sortir ton méchant, comme on appelle. Donc, les chercheurs, les différentes recherches nous apprennent que l'exercice est rempli d'avantages comme baisser le stress, augmenter l'endorphine, mieux dormir. Et si t'es préoccupé par ton poids, tu pourrais oublier les avantages intrinsèques parce que tu vas passer seulement aux extrinsèques qui sont ton poids. Ouais. Donc, on devrait changer ça de bord, changer ta mentalité pour aller du côté des motivations intrinsèques. Donc, pourquoi tu devrais avoir envie de t'entraîner? C'est la meilleure chance de changer tes habitudes. Comme ça, tu n'auras pas besoin de te justifier pour y aller. Ça va être plus pour les bonnes raisons. La même chose pour quand tu manges. Pas mal n'importe quoi, ton appétit, c'est ça. Ton alimentation. Enfin. Ensuite, ça, c'est un conseil que je suis surpris de lire. Ça nous dit d'aller voir notre psychologue ou un thérapeute le matin. Et non pas l'après-midi. Pourquoi, me demandes-tu? Parce que comme pour ça, avoir une meilleure journée? Peut-être, oui, parce que tu vas pouvoir mieux penser à ce que tu viens de vivre. Mais non, au contraire, je veux pas penser. Non, mais tu veux régler tes problèmes. Si tu y penses pas, tu les régleras jamais. Ouais, mais là, je veux juste penser à ça tout le long de la journée. Mais justement, au moins, tu t'empêcheras pas de dormir. Parce que si c'était l'après-midi, tu y penserais pendant la soirée, puis tu aurais la misère à dormir. Mais ça dépend, parce que si je pense pendant le matin, qui te dit que je vais quand même réussir à dormir? Parce que tu vas avoir réussi à tout penser à ce que tu avais à penser, puis à un moment donné, tu manques de choses à penser, non? Ah non. Non? Okay. Donc, t'es clairement pas le cerveau d'une femme. Ben, pas mal proche. Ça, on n'arrête jamais de penser à ça. Donc, t'as plus de chances d'être productif ou d'apprendre des choses plus il est tôt dans la journée. Donc, si t'as besoin de voir un thérapeute pour ta santé mentale, par exemple, utiliser ces heures-là de thérapie le matin pour être la meilleure utilisation de ton temps. C'est la Huffington Post qui nous explique que les sessions avec un thérapeute ou un psychologue où t'as besoin de digérer ou penser à ce que tu viens de vivre, c'est beaucoup de travail mental, ça va t'épuiser. Oui. Et si tu arrives à ces sessions-là pendant le matin, c'est ça, t'as plus de chances d'être capable d'apprendre ce que tu viens de vivre. Mais je veux pas apprendre. Je veux que tu aies une solution pour moi. Mais c'est pas ça, un psychologue. C'est pas nécessairement de juste... C'est pas une switch on off, là. Tout va bien? C'est ça, je veux. Ah, boy. Donc, peut-être que je devrais voir une thérapeute. Peut-être, plus. Donc, ça nous dit que les sessions le matin de thérapie ou de psychologue, ça va en fait t'amener à un niveau plus élevé de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et que notre corps relâche naturellement pendant la journée. Donc, ouais. On dit que... Attends un petit peu. Que le cortisol le matin, l'augmentation du cortisol le matin, va t'aider à mieux faire face, à affronter tes peurs et tes anxiétés. Évidemment, tout le monde est différent. C'est pas tout le monde qui va vouloir y aller à 8h du matin, mais quand même, peut-être vers midi, peut-être un petit peu en avant-midi, peu importe l'heure où vous allez, le cortisol dans votre qui est généré va être plus élevé et ça va vous aider à affronter vos peurs et vos anxiétés. C'est ce que l'article dit du Huffington Post. Donc, c'est une raison scientifique d'aller voir votre thérapeute le matin. Ensuite, on parle de dormir un petit peu. On en parle souvent de dormir, comment mieux dormir. Est-ce que tu as déjà essayé de la mélatonine, des trucs pour mieux dormir? J'ai jamais rien essayé pour dormir, à part des pilules comme par exemple pour le mal, là, après la une douleur. Opération, mettons, okay. Ouais, exactement. Oui, t'endormais quand même. T'endors, ouais, okay. C'est ça. Donc la mélatonine, c'est quelque chose que ton corps génère de toute façon, mais c'est pour en avoir plus et mieux dormir, ça va faire un sommeil plus. Qui va mieux. Tu vas mieux dormir, bref, ouais. Pendant plus longtemps. Moi, j'ai fait la gaffe de prendre la mélatonine à beaucoup trop une dose élevée et ça m'a fait des chocs dans la tête pendant que je le prenais. Mon Dieu. Fait que j'ai comme pas eu le goût d'en reprendre, mais là l'envie revient d'en prendre et de suivre la posologie indiquée sur la bouteille. C'est pas le conseil, mais c'est mon conseil ça, que ouais. Je vous donne. T'sais. Je suis la source de ce conseil. Donc, on dit de tester des pilules pour dormir à la maison quand tout est en sécurité avant de, par exemple, prendre l'avion. Parce que des fois, tu vas prendre des pilules pour prendre l'avion. Parce que t'as peur, t'as pas envie mettons de... Des gravoles, des trucs comme ça. Donc, des sédatifs légers. C'est une façon de rendre votre vol peut-être plus facile si vous avez une anxiété quand vous êtes dans un avion ou le changement de zone horaire, d'heure ou peu importe. Le jet lag, comme on appelle. Donc, on dit qu'on devrait les essayer à la maison avant de prendre l'avion. Les sédatifs, que ce soit des prescriptions ou même des choses qu'on achète à la pharmacie normalement, ça vient avec des effets secondaires comme peut-être de la nausée légère sur certaines personnes. Et tu veux pas être dans l'avion et te rendre compte de ces effets secondaires-là dans l'avion. Hein? C'est pas le meilleur moment pour le savoir. Hein? Donc, on dit qu'on devrait tester des pilules pour dormir avant le voyage pour voir si les effets secondaires sont présents chez toi et comment tu vas réagir. Donc, tu devrais les essayer 2 semaines avant ton départ environ pour avoir assez de temps pour trouver une autre marque si jamais vous voulez faire un autre test. Donc, une bonne petite idée quand même de tester les pilules à la maison. Ensuite, celui-là me perturbe un petit peu. D'accord. C'est quand tu demandes un prêt financier à la banque ou à la caisse. Ici, l'article est américain. Évidemment, j'ai rarement de sources canadiennes, mais j'imagine que c'est pas mal la même chose partout. C'est que ceux qui te prêtent de l'argent peuvent vérifier votre profil sur les réseaux sociaux pour savoir s'ils devraient te prêter de l'argent. Mais non. C'est ce qu'on dit dans cet article-là, qu'il y a des compagnies qui visitent vos réseaux sociaux. En fait, c'est des compagnies qui aident les banques à faire ça. Donc, vérifier pour ta cote de crédit, pour savoir s'ils veulent te passer de l'argent. Ouais. Donc, ils utilisent ta présence en ligne pour faire cette décision-là, apparemment. Donc, ton score, ta cote de crédit, ton comportement de crédit utilise des méthodes quantitatives comme le nombre de fois que tu as été en retard sur un paiement, le crédit que tu as disponible, le pourcentage de dette que tu as. Alors que les données qualitatives, de l'autre côté, c'est basé sur des choses comme tes interactions sur Facebook, des sujets que tu aurais cherché en ligne. Genre, mettons, si tu as tout le temps des photos où tu es saoul ou sous. Peut-être que tu dépenses mal ton argent. Dans des gros bars, peut-être que tu dépenses mal ton argent. Mais c'est clairement de juger quelqu'un rapidement parce que tu sais même pas si c'est elle qui paye. C'est absolument pas. Ouh. Tu pourrais être parti en famille, en voyage à Cuba, peu importe, puis si t'es pas récupéré. Ouais. T'as pas mal dépensé ton argent du tout. C'est pour ça qu'il faut tout bloquer nos affaires sur Facebook. C'est pour ça qu'il faut bloquer votre profil. Donc, c'est sur le site totallymoney.com qui nous explique ça. Donc, il y a entre autres une compagnie basée à Singapour, Lendo, et une compagnie américaine qui s'appelle Moven, établie en 2011 pour les deux, ainsi que Score Assured, fondée en 2015, qui cherche en ligne des mots-clés sur vos profils, par exemple drunk ou party. Associé avec votre profil sur les réseaux sociaux. Donc, d'autres compagnies vont aussi regarder. Ça, je sais pas comment ils font, mais les sites que vous visitez, c'est ce que l'article explique. Ça dit qu'en Chine, le gouvernement prévoit implanter un système de crédit social basé sur ce type de données. Il n'y a pas de statistiques sur le nombre de pays qui utilisent ce genre de données-là, mais le fait que certaines compagnies le font dans certains pays devrait quand même vous faire au moins bloquer votre profil en ligne. Wow. Voilà. Ensuite, on demande ici combien de à quelle fréquence vous devriez nettoyer certaines parties de votre maison qui sont un petit peu plus négligées. Donc, tu fais les trucs de base quand tu fais ton ménage, tu vas laver les comptoirs, tu vas laver tes draps peut-être, mais il y a des choses que tu peux oublier. Donc, c'est un guide, c'est la compagnie Moshells qui nous dit ça, qui est une compagnie de trucs pour la maison, là, qui vous montre des parties de votre maison, des endroits qui sont souvent négligés et qu'on devrait peut-être porter un petit peu plus attention une fois de temps en temps. Par exemple, on dit que les tapis de bain devraient être lavés aux 2 semaines. Ah, ouais! J'ai pas lavé mon tapis de bain depuis le début de l'année. Je l'ai acheté. Mais est-ce que t'as passé la balayeuse dessus? Oui. Bon, peut-être que ça s'annule. En dessous et en dessous. Peut-être que je penserais pas que ça s'annule. Je penserais pas. Peut-être que ça enlève un pourcentage de bactéries pareil. Ce que c'est le dessus. Les poils de chat. Clairement. Ça se peut, oui. Surtout que ma salle de bain est comme la grandeur de genre 1 mètre cube, j'en dirais. Elle est vraiment tout petite. Fait qu'en plus, des fois, ça se peut que je mette peut-être mon bout de soulier dessus, des fois. Ça se peut que je ramène des trucs de l'extérieur sur mon tapis de bain et qu'après ça, je vais mettre les pieds nus dessus. Mm-hmm. Donc, les tapis de bain aux 2 semaines. Les poubelles intérieures devraient être rincées à chaque quelques mois. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Parce que, tu sais, du jus de patate, là, c'est dégueulasse. Jamais bon. Les screens de vos fenêtres devraient être lavés. Les moustiquaires devraient être lavés une fois par année. Ah, oh, une fois par année? Ça se fait, c'est correct. Ah, quand tu les enlèves à l'hiver, tu les laves. Aucun problème. Quand tu les reposes. C'est ça. Les bols de vos animaux de compagnie, on devrait les laver quotidiennement. Oui. Laver quotidiennement. Tu sais, moi, mettons, je vais rincer l'eau. Oui, c'est ça. Je vais mettre de l'eau, puis une fois par semaine, je prends du savon, puis je frotte. OK, ouais, je comprends. Eux autres, ils disent qu'on devrait laver une fois par jour. Je trouve ça intense. Ouais. Mais bon. Les jouets des enfants peuvent se faire frotter un petit peu, laver avec du savon un petit peu, une fois par mois environ. Non, parce qu'ils se les mettent dans la bouche. Ouais. Et le guide nous dit donc comment faire sur assemblagejockey.com. C'est via moshells.com. Est-ce que je continue? Ça commence à être long. Donc, on arrête là. Une autre chronique des instructions d'assemblage. Une autre fois, il y a quand même eu quoi? 15 articles là-dedans. Donc, oui. Je pense qu'on est satisfait. Tout la plupart étaient pas mal bons, je trouvais. Mm-hmm. Donc, vous allez savoir quoi faire dans le futur. Vous n'allez plus faire de gaffe. You're not gonna be stupid anymore. Exactement. Et donc, on entend la pièce Anymore de Goldfrapp à l'assemblage rock. Il y a de la suite dans les idées. strange music. Like lucid dreams. The path of you transforming me. I can't wait anymore. I can't wait, I can't wait anymore. I can't wait anymore. Anymore de Gold Frappe à Assemblage Requis. Au retour de la pause, on continue avec Tania. Oui. Il te reste deux chroniques. Oui. On va faire ça. Ben oui, pourquoi pas. Back to back, je pense. Exactement. On retourne à Assemblage Requis. Restez avec nous. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. C'est fou! 89 ans. Assemblage de pire. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de pire. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 3 juillet 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et maintenant, ben c'est le moment tel que promis. On se renvoie la balle. Il nous reste encore assez de temps pour, je pense, se renvoyer la balle une couple de fois. Donc, c'est le moment de la deuxième chronique pour cette semaine de Tania Is Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do it! C'est un peu moins dedans que tantôt, mais ah, ça revient, ouais. Là, ça revient. Danser sa première, c'était fou, elle. J'étais en train d'essayer d'ouvrir un lien. Un lien, ben c'est ça. Exactement. C'est ça l'affaire. Donc, on parle, j'entends dire, de buverie. D'alcool. Oui, on parle de buverie, mais je vous parle aussi de restaurant. Oh, cool! Oh, que oui, parce que je trouve que ça va bien ensemble. Est-ce que tu t'es fait craquer le doigt? Non, j'ai claqué les doigts. Mais ça aurait pu, parce que je l'ai fait tout le temps. Ouais. Mais en fait, On l'a-tu entendu? Je l'ai fait en maudit. Ah ouais? Ouais. Ça fonctionne plus, là. Je sais pas pourquoi. Pas de la bonne radio. Ça doit être parce que je manque d'eau dans mon corps. Mais je vous parle d'un restaurant qui ouvre au centre-ville de Trois-Rivières. Arrête donc. Donc, ça devrait ouvrir dans la prochaine année, sachez-le. En fait, c'est un cuisinier qui est bien connu du monde de la cuisine à Trois-Rivières parce qu'il a travaillé pour plusieurs restaurants déjà. Il a travaillé dans la région, dont par exemple au Grill, à l'Essentiel. Il l'a déjà fait quelques temps au Gambrinus. On parle aussi de l'Auberge de la Calo-Claire, la Maison de Débauche, le Carlito aussi cool, dans bon. Le temps qui est devenu la Maison de Débauche, mais aussi ailleurs. En province. On parle entre autres du Panache, on parle de l'Express à Montréal qui est quand même un restaurant réputé et on arrive ici à Trois-Rivières parce qu'il est de Trois-Rivières et on décide de se lancer dans la folle aventure d'avoir son propre restaurant et c'est chose qu'ils sont en train de faire donc sur la rue Radisson à Trois-Rivières, tout juste en face de l'ancien Poste Canada. Oui, ben oui. Exactement. Donc, sur la rue Radisson, on est en train d'ouvrir un restaurant. C'est pas terminé encore, donc c'est pas nécessairement pour les prochaines semaines, là, sachez-le. Mais il a décidé de se partir le restaurant Épi Buvette de quartier avec sa conjointe qui est Mireille Dugré et un sommelier, Félix Michaud. Donc, ils vont ouvrir Épi. C'est un petit restaurant. Ça va être 36 places exactement et il devrait y avoir J'aimerais t'aider. Oui, exactement. Deux sexes. Non, j'ai vraiment le mot sur le bout de la langue, puis là, ça ne veut pas sortir. Terrasse, voilà. Terrasse. Donc, deux terrasses, une petite à l'avant et une à l'extérieur, derrière. Donc, il veut que ce soit le plus simple possible, sachez-le. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que ça va être comme style de restaurant, parce que plus je pense que Trois-Rivières est une des places où on peut retrouver le plus grand nombre de restaurants sur la même rue. Oui. Et le plus grand nombre de boutiques fermées aussi. Exactement. Oui. Puis c'est quand même assez difficile de se retrouver au centre-ville de Trois-Rivières à un certain moment. Si tu sais pas trop ce que tu veux manger, si tu veux pour un petit budget, il y a pas nécessairement beaucoup d'endroits non plus. Non. Donc les travaux sont bien avancés. On a déjà commencé tout ça. L'aménagement devrait être terminé d'ici la mi-juillet, donc d'ici la moitié du mois, de ce mois-ci. Et il reste à meubler le restaurant. Il reste aussi à finaliser certaines installations d'équipement. Mais tout semble être bien en place pour que ça ait une belle ouverture. Mmh. Et les lieux sont munis quand même de très belles banquettes, de très grandes tables, comme je le disais, de terrasses aussi, et de salles de bain, bien évidemment, ça va avec. Mais les clients vont pouvoir voir le chef cuisiner. C'est le fun, et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement dans tous les restaurants au centre-ville. Et c'est quelque chose... C'est pas mal chez Subway. Oui, et c'est quelque chose qui amène une dynamique qui est différente aussi. Je trouve que ça fait très Montréal. Ça fait plateau Mont-Royal. On a beaucoup de restaurants comme ça à Montréal où on voit le chef cuisiner, où on voit le chef aller mener lui-même certaines assiettes. Et c'est quelque chose que le chef va faire lui-même. Cool. Donc, il veut aussi avoir un service qui va être très présent avec les clients. Il veut pouvoir avoir l'opportunité d'aller jaser avec ses clients. C'est pour ça, juste 36 clients, tu peux être plus proche des gens. Exactement, ça va être très, très vivant comme place. Et en ce qui concerne le menu, en fait, bien, on va composer principalement d'assiettes à l'unité. Donc, ça va ressembler à des portions d'entrée. À la bureau de poste, en fait. Exactement, à prix abordable. Ah, ben. Et c'est un petit peu je veux pas dire une mode, mais c'est un petit peu vers ce quoi la clientèle s'en va de plus en plus, c'est de pouvoir partager à plusieurs beaucoup d'assiettes. Et c'est justement ce qu'on veut mettre de l'avant à cet endroit-là, c'est que ça va permettre aux gens de goûter à plusieurs choses sans nécessairement partir avec une facture, qui va être extrêmement salée. Mmh. Donc, on parle de petits prix, on parle d'assiettes qui vont être à prix abordable, des grosseurs abordables aussi, mais si on y va en gang ou comme si on y va juste à deux, bien, ça va être possible de repartir sans nécessairement dépasser sa paye au grand complet à cet endroit-là. C'est un partenariat aussi avec certains, parce qu'il faut le dire, je pense que c'est une belle chose, avec certains commerçants de Trois-Rivières. Hein? Certains connaissent peut-être les jardins du Gré à Pointe-du-Lac. Mmh. Bien, on va travailler avec des produits à l'année longue. Donc, on va aller travailler du côté de Pointe-du-Lac. On va aller chercher nos condiments du côté de Pointe-du-Lac. On va proposer aussi des menus selon les arrivages du moment. Donc, ce qui se passe un petit peu partout dans les commerçants en Mauricie, bien, c'est quelque chose qu'on va vouloir mettre de l'avant à cet endroit-là. Et ça va aussi créer une espèce de partenariat avec des maraîchers du coin. Donc, chose qu'on voit plus ou moins au centre-ville de Trois-Rivières. On y va la plupart du temps avec de grands maraîchers un petit peu partout. Et là, on y va vraiment avec ceux de la Mauricie, ceux de Trois-Rivières. Et on va essayer de rester raisonnable quand même dans les achats pour pas que, justement, les factures deviennent de plus en plus salées. Ce qui concerne aussi le gaspillage alimentaire, parce que c'est quelque chose qui les touche principalement, eh bien, on va minimiser autant que ce qu'on peut faire pour qu'on puisse ne pas gaspiller de façon alimentaire. Donc, on veut vraiment limiter les pertes, quitte à offrir justement des denrées à des organismes en les invitant à souper. Ils veulent vraiment créer une économie sociale et locale avec ce beau projet-là. Et comme on le disait tout à l'heure, ça va terminer d'être installé vers la mi-juillet. On ne sait pas encore pour la date d'ouverture, mais j'ai bien hâte de voir ce à quoi ça va ressembler. Et déjà en partant, l'ambiance de cette rue-là est différente que le gros centre-ville. Oui, oui. C'est quoi avec le magasin de souliers? Exactement, c'est surtout des bureaux d'avocats aussi. C'est plus calme. Je pense que ça va aller toucher une espèce de dynamique différente que celle de la rue des Forges directement. Et ça devrait être très intéressant à voir. Ça s'appelle EPI. EPI. Comme dans EPI. EPI, oui. Buvette de quartier. Buvette de quartier. Je trouve ça le fun. Je trouve ça original comme nom et j'ai hâte de voir ce à quoi ça va ressembler. Wow. C'est maintenant le temps de parler d'alcool, par exemple. Oui. Parce que je pense qu'il n'y a pas une chronique cet été où j'ai pas parlé d'alcool. Mm-hmm. Et j'avais annoncé que j'allais parler avec une touche de féminisme aujourd'hui parce que je vous présente 5 cuvées qui ont été faites par des femmes. Chose qui n'a pas tout le temps été le cas dans le monde du vin, parce qu'il faut savoir, c'est un monde qui était réservé à la gente masculine. C'était très, très fermé aussi. C'était très... Un boys club. Oui, c'est ça. Et là, ça a été révolu. Les femmes ont levé les poings dans les airs et on a commencé à faire mûrir les raisins, nous aussi. Donc, ce sont des femmes qui sont de plus en plus nombreuses dans les coulisses du monde du vin. On vinifie aussi avec brio. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et le premier que je vous présente, c'est un vin de Laurence Jobert. Donc, c'est peut-être... pas familier comme vin. Elle a été la première à occuper le poste d'œnologue en Bourgogne en 1973. Elle a été embauchée au domaine Joseph Drouin. Donc, elle a servi de modèle à la fille du propriétaire, Véronique Drouin, et aussi à sa propre fille, qui était Claudie Jobert. Et cette dernière a vinifié depuis 2002 au sud de Beaune. Donc, on a décidé de se lancer vraiment là, dans la vinification. Et ce sont deux de ces vins qui ont été mis en vente l'automne dernier. Il reste une bonne quantité quand même. On parle d'un blanc et on parle aussi d'un rouge. Donc, une bonne quantité de blanc. C'est une belle introduction au grand blanc de Bourgogne. Et dans le verre, ce qu'on dit, c'est que c'est un chardonnay, bien évidemment. Ça rappelle les fruits tropicaux. Mmh. Donc, chose qu'on voit pas nécessairement tout le temps dans des vins blancs. C'est le fun d'avoir des saveurs qui vont être différentes de ceux qu'on connaît la plupart du temps. Et on perçoit aussi des notes un peu plus fumées de noisettes et qui tendent aussi à s'estomper si on aère le vin quand même assez longtemps. Donc, c'est un vin qui est délicat, qui est fin, mais on parle aussi qu'on peut l'agencer avec des pâtes qui vont être très crémeuses. Mmh. Donc, l'assortiment de ce qui est noisettes, fumées et fruits tropicaux va faire en sorte que ça va être une belle amalgame avec les pâtes crémeuses. J'ai faim, hein? Oui, hein, ça donne faim, ça donne soif aussi, je vous dirais. Mais on joue quand même dans les alentours d'une trentaine de dollars pour la bouteille de madame. C'est du fancy, hein? Exactement, un petit peu plus. Si on y va du côté des vins mousseux, c'est-à-dire des bulles, bien, on a une vingtaine de vignerons qui produisent du vin effervescent à Limoux. Il y a plusieurs femmes aussi, présentement, qui sont en train de se lancer un petit peu plus dans les bulles. On le sait déjà en partant, les bulles, ça a un petit côté plus féminin. Je sais pas pourquoi. C'est tout le temps... Est-ce qu'il faut que je fasse mon obligatoire? Vas-y, Mathieu. Et voilà. Donc, je vous parle de Françoise Antec. Elle a créé de nouvelles cuvées. Elle a créé des cuvées qui étaient brutes, nature, et aussi un rosé. Les vins rosés, surtout à bulles, ça se boit très bien en été, si on le sait. Ça s'agence très bien en apéro la plupart du temps. C'est sûr qu'on va moins bien agencer des bulles à un souper, à moins qu'on soit en train de manger des huîtres, par exemple. Ça fait roter, c'est ça? Non, c'est juste parce que souvent, c'est le CO2 qui s'agence moins avec ce qu'on mange. Mais on a aussi conservé la production de vin qui est beaucoup plus classique de son côté. Donc, on parle d'une cuvée expression. C'est encore une fois un chardonnay. On parle aussi d'arômes de fruits jaunes, de foin, quelque chose qui va être un petit peu plus sec. Donc, une attaque qui va être croquante. Tu vas avoir l'impression de vraiment croquer dans quelque chose en buvant ce vin-là. Et on va suivre tout ça d'une texture qui va être quand même onctueuse, qui va rappeler un petit peu le beurre. Et ça, c'est rare du côté des bulles, je vous dirais. Je ne suis pas une experte en vin, je ne suis pas une experte en bulles non plus, mais c'est assez rare qu'on va trouver des bulles qui vont être crémeuses. La plupart du temps, ça va être quand même assez sec du côté des bulles ou très sucré. Et on dit que ces bulles-là s'agencent parfaitement au brunch. Justement parce que c'est un petit peu plus onctueux. Et si on mange, par exemple, des œufs ou si on mange quelque chose comme une quiche, bien, ça va bien s'agencer avec ça parce que justement, vraiment, il va avoir une onctuosité qui va suivre le coulis du jaune. Ah, c'est beau. C'est de la poésie en parlant cet après-midi. Et là, on parle dans des prix qui sont un petit peu plus raisonnables. On parle autour d'une quinzaine de dollars la bouteille. Bon. Donc, c'est le fun, on adore ça. Et sachez que toutes les bouteilles que je vous présente sont disponibles à la SAQ. Ben, j'espère bien. Ça, on adore ça. Si on y va du côté de l'Italie, il reste pas des tonnes de bouteilles d'un rouge du Piémont, mais ça vaut quand même la peine d'être mentionné. C'est Nicoletta Boccia. En fait, c'est une amatrice de vin qui a acheté des parcelles de vignes dans le Piémont en 1992 et qui est devenue vigneronne. Donc, ça a été une des premières à faire ça du côté de l'Italie. Et c'est un vin qui est élaboré avec le cépage Dolcetto et apparemment que c'est splendide au goût. C'est charnu, c'est un petit peu plus différent. Et le vin va parfumer la pièce d'odeur de fleurs séchées. On parle de rose, la fleur. On parle de cerise et de myrtille. Donc, ce sont quand même des fruits et des fleurs qui vont aller chercher une onctuosité puis qui est quelque chose de beaucoup plus corsé. Ça goûte la fraise et les épices, apparemment. Ouais. Donc, ce vin-là m'intrigue beaucoup. Si bien qu'il y en a qui disent qu'on croirait que ça a été élevé en barrique, mais pourtant, non, c'est un vin vraiment qui a été fait avec élégance et c'est rempli de fruits. C'est très long en bouche, ce qui veut dire qu'on va quand même garder un goût pendant très longtemps. Et on parle aux alentours d'une vingtaine de dollars pour cette bouteille-là. C'est sûr que on peut toujours faire un choix de l'événement à laquelle on va acheter une bouteille. Moi, je pense que c'est ça qui va différencier aussi le choix d'une bouteille à la SAQ. Mais quand on parle d'été comme ça, là, tout ce qui est barbecue, tout ce qui est apéro, il y a vraiment des experts qu'on pourrait dire lorsque vous allez acheter votre vin qui vont pouvoir vous conseiller beaucoup mieux que, par exemple, le petit gars au dépanneur. Ben, c'est ça, parce au dépanneur, c'est fait pour que tu choisisses toi-même la beauté de la bouteille. Exactement. Quand tu vas à la SEQ, tu t'attends à avoir un petit service. Ils sont pas tous aussi bons les uns que les autres, mais il y en a qui sont bons, puis ça vaut la peine. Il y en a une qui m'a fait découvrir un excellent, et là tu vas me trouver vraiment prétentieux, un excellent Porto. Oui, Porto pour l'occasion spéciale. Petit Porto là, à la fin d'un repas, c'est excellent. Si bon. Ok, oui. Si bon. Et sachez en fait que c'est impossible de savoir si un vin a été produit par une femme ou par un homme, sauf si c'est écrit sur l'étiquette. Oui, en fait, il y a des vins qui sont légers, qui sont fins, qui sont un petit peu moins corsés. Parfois, on va les qualifier de vins féminins parce que ça colle un petit peu plus au goût des femmes. Mais ceux qui sont beaucoup plus robustes, qui sont beaucoup plus musclés en bouche, sont dits masculins. Mmh. Pourtant, c'est des qualificatifs qui ont une image beaucoup plus qu'une réalité parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes qui aiment des vins rouges très corsés, très robustes aussi. Et il y a des hommes qui préfèrent les vins blancs. C'est pas... c'est ça. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Exactement. Donc, pour reprendre en fait les mots de l'association Femmes de vin, il n'y a pas de vin de femmes, il n'y a pas de vin pour les femmes, il y a les bons et les mauvais vins. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est la même chose que dans les magasins avec les jouets pour les enfants. C'est vrai. Pour vrai, il n'y en a pas de limite entre les deux. Pourquoi tout le temps séparer par genre? C'est comme les catégories de prix dans les remises de prix. Mais ce qui est le fun de voir, c'est que les femmes prennent de plus en plus leur place dans le milieu des vins. Oui. Entre autres, au Québec aussi, je pense à une vigneronne en particulier, une sommelière en particulier dont le nom m'échappe, mais qui a sorti les vues, et voilà. Ouais. Donc, c'est de plus en plus quelque chose qui est regardé par les femmes, qui est aimé aussi par les femmes, chose qui n'était pas nécessairement courante avant. Et je trouve ça très le fun parce que si on me donnait l'opportunité d'avoir des vignes, c'est sûr que je ferais du vin. Wow! Du vin que tu ferais âgé toi-même. Du vin âgé, du végin. Si on me donnait l'opportunité de me marier sur par exemple, une terre de vignoble, c'est sûr que je dis oui. Ce serait cute, ça. Pour vrai, c'est cute. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mariés de ça? Je me marie pas si c'est pas sur un vignoble. Vous comprenez? La barre est haute! Exactement. Ouais. C'est ça. Merci, Tania. Fait plaisir. Super bon, ça. Il nous reste une autre petite chronique de toi. On va faire ça dans quelques instants. Mais avant, je me suis dit, on parle d'alcool en ce moment. On parle pas d'alcool cheap. Donc, on va pas passer une heure à parler de bleu, comme la labat bleue. Donc, voici l'heure bleue de Police des Mœurs. Assemblage requis. Jamais été foulé. C'était Police des mœurs avec Heure bleue à Assemblage requis. Avant de poursuivre avec une autre partie de Tania's Gonna Entertain You, petite correction ou ajout d'informations, un complément. Oui, tout à fait. En fait, j'ai oublié de nommer le chef du restaurant hippie buvette de quartier. T'as tout dit de lui sans son nom. J'ai nommé sa conjointe, j'ai nommé son sommelier, mais j'ai carrément oublié de dire son nom. Donc, on parle de Simon Lemire. C'est un jeune homme qui détestait manger lorsqu'il était jeune. Il mangeait juste du spaghetti avec du sel à l'oignon dessus. Puis, il est devenu un des chefs cuisiniers qui a une plus grande notoriété en Mauricie maintenant. Wow. Donc, c'est génial. J'ai vraiment hâte que le restaurant ouvre. Et son spaghetti au sel. Et son spaghetti au sel d'oignon doit être merveilleux. Avec quel vin tu bois ça? Une labatte bleue. Une courgette. Voilà, donc je le disais, c'est la dernière partie. Troisième aujourd'hui de Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain me. C'est quasiment une émission spéciale. Tania, oui. Je connais Tania aujourd'hui. C'est quasiment ça, hein. Cool. Je m'excuse, Mathieu. Oh non, j'aime ça. Tout le monde aime ça. Je pense qu'on n'aura jamais été aussi écoutés qu'aujourd'hui. Merveilleux. Donc là, par contre, je ne sais plus de quoi tu vas nous parler. Ben, je vous ai dit qu'on allait parler bouffe aujourd'hui. Mm-hmm. Je vous ai dit qu'on allait parler vin. J'ai aussi dit qu'on allait parler resto. On a déjà fait tout ça. Oui. Et j'ai dit aussi qu'on allait parler santé. Je vous ai donné quelques recettes tout à l'heure, mais là, je vais vous parler vraiment de santé. En fait, je vous parle de savoir quoi. Qu'est-ce qu'il faut savoir, en fait, avant de commencer à essayer de perdre du poids? Parce que souvent, on va attribuer ça à la nourriture, on va attribuer ça aussi à l'entraînement, mais il y a beaucoup de choses aussi qui est mental à tout ça. Et je pense qu'il y a certaines choses que si certaines personnes décident de faire un régime ou de s'entraîner de façon excessive, sans trop vraiment penser à ce à quoi tu dois penser avant de te lancer dans cette fameuse aventure-là. Comme tu le disais tout à l'heure, il y en a qui vont le faire pour un changement drastique. Il y en a d'autres qui vont le faire pour le bienfait de la santé humaine, en fait, de savoir que tu vas pouvoir vivre jusqu'à, par exemple, 65 ans. Là, c'est quand même assez important. Ouais, on devrait exactement penser à ça, mais... On devrait faire ça. Et le premier point, c'est, en fait, écouter son sentiment de satiété. Qu'est-ce que la satiété, en fait? C'est l'état d'une personne dont la faim est entièrement satisfaite. D'avoir le sentiment d'être rassasié. Quand tu dis « Ah, c'est donc ben bon, je vais continuer de manger sans cesse », non, faut que t'arrêtes quand t'as faim. Exactement. Boire, manger jusqu'à satiété, c'est de manger jusqu'à temps que t'en aies quasiment mal au cœur, de te dire « Oh mon Dieu, j'ai beaucoup trop mangé ». Bien, en fait, il y a toutes sortes de régimes, il y a toutes sortes de façons aussi de voir l'alimentation, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que notre corps nous parle tout le temps. Ouais. Ça nous envoie toujours des signaux, des messages. Je laisse tout le temps aller sa boîte vocale. C'est ça, hein? Qui nous permettent de comprendre et de nous ajuster aussi. Donc, le sentiment de faim, c'est quelque chose aussi, c'est un signal, en fait, qui nous est envoyé par notre corps, comme celui de la satiété qui en fait partie. Et je pense que c'est primordial aussi d'écouter son corps lorsqu'on est en train de manger. Parfois, on a beaucoup trop faim aussi et on se rend pas compte que là, on n'a plus faim. Mm-hmm. C'est une chose qui est importante aussi à savoir, c'est qu'on doit tout le temps ne pas être vide, parce que c'est ça qui va jouer beaucoup aussi sur notre sentiment de satiété. Et qu'est-ce qu'on dit aussi que quand on mange, ça prend, il me semble, c'est 20 minutes avant qu'on se rende compte qu'on n'a plus faim? Exactement. Fait que manger donc, plus lentement? Du moment que tu commences à manger, ça va prendre 20 minutes au premier aliment que tu as mangé à se rendre à ton estomac et à te dire « Oh, OK, j'ai reçu de la nourriture. » Donc, justement, c'est de prendre son temps pour manger. Et ça m'amène au deuxième point, c'est de nous donner du temps. Pas pour manger, mais plus tu t'accordes de temps dans un processus de changement, parce que là, on parle encore une fois d'une perte de poids. Ouais, ça prendra pas deux semaines. Exactement. Plus les résultats vont être durables aussi. Si on se donne pas de temps, si on se dit que quelque chose va être extrêmement drastique, tu te donnes une manière très, je sais pas moi, tu te donnes trois semaines pour perdre 20 kilos. Je mange juste de la salade. Mais c'est pas des résultats qui vont être durables, malheureusement, parce que tu te seras pas donné assez de temps pour arriver à tes changements. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut se presser? C'est si on peut profiter de tout ça tout le restant de notre vie. On veut pas quelque chose qui va... Oui, la plupart du temps, on veut quelque chose qui va être drastique, mais il faut comprendre à la base que si on veut quelque chose qui va nous durer tout le temps, ça va prendre du temps. Wow. Donc, même si ça nous prend quelques semaines de plus, il faut y croire, ça vaut la peine et ça vaut l'attente aussi. Don't stop believing. Exactement. Ouais. Le troisième point, qu'il faut savoir avant de commencer à perdre du poids, c'est que le bon gras, ça existe. Mm. Tu sais, on parle souvent des avocats, on parle souvent des poissons qui sont gras. Bien, ce sont des bons gras et ce sont une source principale d'énergie pour tout notre corps. Pas juste, par exemple, pour notre estomac, pour notre cerveau, pour nos muscles. Donc, les bons gras, ça existe et qu'il faut les prendre, en fait, ceux-là. Donc, les glucides, les protéines, c'est prouvé, c'est du bon gras et ça aide au sentiment de satiété aussi. Si tu te nourris de bon gras, tu vas être rapidement... tu vas être rapidement pleine, oui. Mais tu vas être pleine de bon gras. C'est ça. Ça sera pas comme si t'avais été manger 4 Big Mac chez McDo. Une très bonne insulte, ça. T'es vraiment plein de bon gras. De bon gras. Donc, ça va aider, en fait, à l'absorption aussi des bonnes vitamines, ces bons gras-là. Donc, ça va ensemble. C'est une équation qui va, justement, lorsqu'on se donne du temps, s'amener au bon résultat. Il faut pas avoir peur de manger du bon gras, mais il faut respecter un ratio qui est raisonnable, mais aussi qui est recommandé pour nous. Parce que chacun, tu sais, toi, ton ratio est pas le même que moi. Déjà, par ça, t'es un homme. Non, mais en agent, t'es grand, t'es un homme. Oui. Ton ratio est pas le même que c'est moi, vrai. Qui mesure 5 et 4 et qui est une femme. Quand t'as porté talons. C'est ça. Non, 5 et 4 sans talons. Okay. Donc, il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver les ratios, en fait, sachez-le, un petit peu partout sur Internet, si vous le tapez. C'est quelque chose qui est très, très facile à trouver. Par la suite, ce qu'il faut savoir lorsqu'on veut commencer à perdre du poids, c'est de ne pas avoir peur de la musculation. Ah. On vient de parler d'alimentation, mais souvent, si on veut perdre du poids, il va falloir s'entraîner, il va falloir faire attention à nous. Donc, tu vas prendre du poids, mais du poids musculaire. En fait, il y a beaucoup de filles qui ont tendance à avoir une résistance face à l'entraînement par musculation, c'est-à-dire l'entraînement musculaire, parce qu'on croit en fait que ça va nous rendre comme Hulk. Ouais. Et c'est pas le cas avant tout, parce que si on veut perdre du gras, il y a une bonne option pour nous, et c'est de créer le développement de notre masse musculaire. Ça, ça joue pour beaucoup lorsqu'on veut perdre du poids. En fait, notre muscle va manger notre gras. Ah. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser lorsqu'on se dit « Bon, mais je vais aller faire de la musculation. » Le petit truc, là, mesdames, là, si jamais ça vous intéresse, mais messieurs aussi, c'est la répétition et non pas le poids. Mm-hmm. Donc, si vous faites de la musculation, par exemple, vous vous dites, je veux pas me ramasser comme Hulk, je veux pas me ramasser comme, je sais pas moi, le gars qui s'habille chez Edward Lee, OK? Bon, mais il faut que vous gardiez en tête que plus votre poids va être petit, mais plus vous allez avoir de répétition, plus vos muscles vont fonctionner et ils vont moins grossir, ils vont juste se définir. Mmh. Et c'est comme ça qu'on va arriver aussi à avoir une perte de poids qui va être beaucoup plus, saine pour nous, surtout si on est une femme. Et il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont appris à cet entraînement de musculation par répétition et non pas par poids à définir leurs muscles. Cool. Donc, il faut augmenter notre métabolisme de base et c'est ça qu'on fait avec l'entraînement par musculation à répétition. Donc, on va brûler beaucoup plus d'énergie au repos et on va avoir moins de chances de reprendre notre gras facilement parce que nos muscles vont avoir mangé notre gras. Vous comprenez, oui. Là, quand je dis vont avoir mangé notre gras. C'est comme d'adopter des araignées parce qu'ils vont manger les fourmis, je sais pas. Pareil. La suite, c'est de prendre des moments pour relaxer et pour se faire plaisir. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on commence à vouloir perdre du poids, on oublie souvent à se faire plaisir et ça peut être super exigeant de changer nos habitudes de vie. Surtout si on se dit qu'on veut le garder pour un bon nombre de temps. On le sait qu'on va travailler, par exemple, sur 2 ans et non pas sur 2 semaines. Donc, il faut s'accorder le droit de se reposer, de se faire plaisir, de suivre un rythme de vie qui n'est pas trop strict et qui ne va pas devenir trop lourd et trop frustrant. Parce que bien souvent, c'est là qu'on va décider de perdre patience et d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut passer au travers de cette aventure-là d'une belle façon. C'est-à-dire que, par exemple, 1 à 2 fois semaine, tu peux te dire, bien, aujourd'hui, je ne m'entraîne pas. Je vais quand même bien manger, oui. Mais je vais me permettre, par exemple, de manger ce que je ne mangerai pas tout le temps. Mm-hmm. Donc, il faut avoir un ratio de penser qu'il faut se faire plaisir et qu'il faut relaxer notre corps aussi dans tout ça. Et c'est mes 7 points, en fait, à savoir comment, quoi penser avant de commencer à perdre du poids. C'est souvent ça qu'on oublie, c'est qu'on veut un résultat qui va être beaucoup trop rapide et on va faire une espèce d'écœurantite aiguë par rapport à c'est tout ça. C'est sûr. Voilà. C'est à retenir. Merci beaucoup, Tania. Fait plaisir. Troisième chronique de Tania is going to Tania cette semaine. Un petit marathon, on aime ça. On aime ça. C'est à répétition et non pas au poids. Je sais pas. Ce qui me dit qu'on passe en petite pause et après ça on revient et là on va faire exactement le contraire de ce que tu as dit, on va juste mal manger dans une grosse pointe d'adresse. Restez avec nous. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de pire. Oui. Assemblage de pire. Vous êtes toujours dans Assemblage Requis avec Tania Baudin et Mathieu Blanc. Ok, oui. Tout à l'heure, on va faire une grosse pointe d'adresse. J'ai déjà dit que ça allait être croustillant. J'ai hâte. Est-ce que ça te dit quelque chose? Des chips? Non. Des craquelins? Non. Ben là, c'est croustillant. Mais c'est ça l'affaire. C'est tellement original que tu peux pas deviner ça. C'est original. C'est fun, hein? J'aime ça, moi. Sucré. Sucré, en plus, des biscuits. Non. Des chips de chocolat. Non, t'as assez essayé. Ok. Tu l'auras pas. Je l'aurai pas. C'est ça, je l'aurai pas. On fait ça dans quelques instants. Mais avant, on s'écoute quelque chose d'aussi original. En fait, c'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre parce que, Colin, j'ai pas la pièce avec moi, mais je nous ai trouvé une petite version live. Ouh! Pas piqué les gens. Voici White Horse et Pink Kimono. À son âge, baby mama. White Horse et Pink Kimono. Bravo! Oh. Bravo, c'était super bon. Version live. Live devant public pour CBC Music First Play. Toujours à Sondage Requis, maintenant c'est le moment de manger. Enfin, on en parle depuis le début de l'émission, de manger des choses. Puis on n'a pas encore rien mangé. Puis on n'a rien mangé encore. Non, non, non. Voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en magasin, en épicerie, en dépanneur, peu importe, quelque chose de malsain que j'ai gardé dans mon tiroir de bureau depuis la dernière semaine. J'avais deux produits dans l'arrière-boutique disponibles pour les chroniques à venir. Mm-hmm. J'en garde un pour le retour potentiel éventuel de David Ferron, peut-être la semaine prochaine, espérons-le, pour pouvoir goûter avec lui quelque chose de très enfantin. J'ai hâte de le faire, de voir sa face quand il va goûter à ça. Non, mon Dieu, je sais pas. Mais pour cette semaine, je me suis gardé quelque chose qui va aller bien avec nous deux. D'accord. Quelque chose de sucré. Ouais. Quand t'as envie de manger quelque chose de malsain, t'as des rages des fois. Une rage de quoi est-ce que tu pourrais avoir là, en je sais pas, je dirais en fin de soirée, t'es en train de regarder un film, quelque chose, t'as une rage. Ben, de, tantôt j'ai dit des chips. Non. Je continuerais de dire des chips, mais... Quelque chose de facile. Popcorn? Non. Quelque chose de facile. Céleri? Ça va bien? Non. Ben, ouais, je suis désolée. Oui, on va manger du céleri. Avec du cheese whiz, ça va être incroyable. Non, avec la liqueur, t'as envie de manger du chocolat. Ouais. Du chocolat. T'as pas de rage de chocolat? Je bois pas de liqueur, mais... C'est vrai. Parfois, j'ai des rages de chocolat. Ça t'arrive. Bon, ben, peut-être que genre, t'as envie... Genre, une fois ou quatre mois. Ben, quand tu y vas une fois ou quatre mois, tu vas sûrement prendre quelque chose de classique, c'est plate. J'y vais souvent pour chocolat noir, très noir. Oh, t'es une fille fancy comme ça. Un petit carré de chocolat, une fois de temps en temps. Bon. Non, ça va être beaucoup plus malsain que ça, en fait. Okay. J'y vais avec un classique réinventé, je pense. D'accord. Hein? Donc, je t'amène une Snickers Crisper. Oh! Une Snickers Crisper, qu'est-ce que c'est? Que, hein? Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est une barre de chocolat Snickers, comme on connaît, chocolat au lait, arachide. Sauf que là, ils rajoutent du riz croustillant. Oh! Hein? Et le caramel classique d'une Snickers. Donc, j'imagine que tout ce qu'il y a de spécial, c'est qu'ils ont rajouté du Rice Krispies dans ta barre de chocolat. OK. C'est cool, OK. Hein? C'est une grosse barre, donc c'est dit que c'est une gardez-en pour plus tard. une save some for later. D'accord, j'aime bien. Et apparemment que tu peux twister l'emballage pour fermer l'emballage. J'avais jamais vu ça. J'achète du chocolat fréquemment. Oui, oui, oui. Ouais. Okay. Ça ferme ton emballage. Je sais pas comment, mais on va l'essayer tantôt parce que ça n'a pas le choix. S'ils le disent dessus, c'est qu'il faut l'essayer. Non, c'est ça, exact. Bref. Sinon, je vois pas grande information d'autre. Le reste, on parle de calories. Bon, ça m'intéresse plus ou moins. Les ingrédients, chocolat au lait. Sinon, il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sucre, arachide, riz croustillant, huile de palmiste hydrogénée, sirop de maïs, dextrose, glycérine, substance laitière, lactose, sel, huile de palme, arôme artificiel et HQBT. Je sais pas ce que c'est du HQBT. Je sais pas. Venons voir c'est quoi du HQBT, s'il te plaît. Est-ce que c'est marqué HQBT? Ouais, HQBT. Je suis sûr qu'il y a une parade à Montréal à quelque part là-dedans. ça contient des noix et des œufs aussi. Voilà. HQBT, non? C'est un additif alimentaire. Hein? En fait, ça peut s'appeler aussi le TBHQ. Oui, en anglais. C'est un antioxydant synthétique de qualité alimentaire utilisé pour stabiliser les aliments, donc les matières grasses et l'huile végétale. Ça protège contre la perte de saveur et ça augmente la durée de vie des aliments. Donc, c'est un antioxydant naturel comme, par exemple, le tocophérol qui se trouve dans l'huile végétale, mais c'est pas assez puissant pour conserver la qualité et la saveur. Wow, mais quel excellent job de recherche, ça! Tout ça a été écrit sur le site de McDonald's. C'est génial. Non, c'est vrai que ça aide l'équilibre. Je suis capable de la faire tenir sur mon doigt. En équilibre. Oui. Ça aide à ça. C'est à cause du HQBT. Ouais, ça doit être ça. C'est 4 carrés, nous dit-on. Donc, 4 petits carrés. J'avais même pas marqué. Je pensais que c'était 2 morceaux. Mais non, il y a 4 petits carrés. Mais ils sont quand même gros, je dirais même. C'est des gros carrés. C'est une grosse barre. Ouais, c'est ça a l'air barre, consistant. Je pense que ça va être bon. C'est par la compagnie Mars Canada qui font la barre Mars aussi. Ils font Mars et Snickers, deux barres de chocolat qui se ressemblent pas mal. Donc, la Snickers Crisper avec du Rice Krispies, riz croustillant. Je t'envoie ça. Attention, ça va. C'est gros, là. Wow, voilà. Wow! Hey, notre micro magique est là, il nous attend depuis la semaine passée. Comme toi. Comment est-ce qu'on. Ok, par deux pièces, pour deux morceaux, c'est 190 calories. Tu vois, moi, je regardais pas ça, mais elle regarde ça. S'il faut le fermer plus tard, ça veut dire qu'il faut l'ouvrir comme tu fais par le bout pour pouvoir après ça twister pour le fermer. Ok. Okay. J'imagine. J'imagine aussi. Ben, j'espère, parce que c'est ça que je suis en train de faire. Mais en fait, je vois pas pourquoi tu pourrais ne pas faire ça avec une barre de chocolat normale. Ben, je sais pas, parce que je suis en train de me dire que c'est tout en ça que ben, j'ai fait. Oui, je comprends pas. Moi, je le repliais par-dessous, mais je sais pas. Je sais pas non plus. C'est peut-être une colle, quelque chose, ou un matériau qui fait que ça tient, ça. Écoute, ça sent la... Ah, oh, ça sent la sneakers. OK. Oh, c'est mignon! C'est un petit genre de prisme. Exact. Je te le renvoie, Mathieu. Merci. Est-ce que j'essaie de le twister pour le refermer? Tu pourrais essayer de le twister. Je pense qu'il y a eu un petit peu chaud, par contre. Mais pour vrai, là, ça fait la même chose que n'importe quel bar. C'est n'importe quoi, là. C'est vraiment la même chose. Mais quelle inutilité totale! Écoute, peut-être que les gens disaient qu'ils en mangeaient plus parce qu'ils pouvaient jamais refermer le paquet, puis c'est comme un avertissement sur un séchoir que tu dois pas mettre dans l'eau, tu sais. Wow, peut-être. C'est peut-être ça. C'est probablement ça. Parce que je vois pas. Sinon, c'est qu'il fallait peut-être l'ouvrir de l'autre bord, mais je penserais pas. Je sais pas, hein? Il y a comme une flèche. En tout cas, bref, c'est marqué... la raison qu'on en parle, pour ceux qui n'ont pas entendu tantôt, c'est que c'est marqué dessus « Gardez-en pour plus tard » et ça dit « Tourner pour fermer ». Exactement. La barre de chocolat. C'est carrément la même chose que tu fais si tu manges la moitié de ta barre de chocolat puis tu décides de la twister puis de la conserver dans ton frigo. Mettons, la seule barre de chocolat que tu pourrais pas faire ça serait, mettons, une Reese parce qu'il y a un carton dedans. Oui, c'est ou ça. Ou une O'Henry. O'Henry. À moins que tu découpes, tu déchires la moitié du papier de la O'Henry. Je sais pas. Bref, l'air climatisé a l'air d'avoir gardé notre chocolat dans une bonne forme quand même. Parce que là, j'ai fait exprès de ne pas le garder dans mon sac à dos comme je fais des fois, parce qu'avec la chaleur, ça aurait pu fondre. Oui. Tu comprends? Ben, c'est... ouais. Ça va faire du chocolat sur les doigts. C'est maintenant. Sûr. Mais bon. T'es prêt? Je suis prêt. Moi, je vais prendre la moitié. Moi aussi, là. Je prends une croquée. Croquée. OK, allons-y. Je suis pas sûr qu'on l'entend beaucoup, mais... Ça croustille un peu, mais pas tant. Pas non, tant? Un peu. Pas assez. Ça... Je pensais que ça allait être pas mal plus croustillant que ça. Moi aussi. Le goût en tant que tel, ça goûte exactement comme une Snickers. J'adore ce goût-là. Je trouve ça vraiment très, très bon. Le lait au chocolat, les arachides, le caramel. Est-ce que dans une Snickers, il y a du nougat habituellement? Je crois que oui. Donc, moi, je pense que non, c'est dans la Mars. Attends un peu, je vais juste aller voir les ingrédients d'une Snickers. J'ai pris la mauvaise main pour manger mon chocolat. Je suis obligé de prendre ma souris par l'autre bord. Je sais pas, mais... La barre Snickers a du nougat habituellement, couvert de cacahuètes grillées et de caramel. Donc, ils ont remplacé le nougat. C'est ce qui manque, je pense. Oui, je pense que oui. J'aurais gardé le nougat. Parce que, en fait, tu vois, comme ça, là, ça me fait vraiment gros passer à une O'Henry. Ouais. Puis le Snickers, puis la O'Henry ont quand même un goût semblable. C'est vrai. La O'Henry, c'est celle qui a une tige dans le milieu, là. Oui. J'adore cette tige-là. Pour moi, c'est une de mes préférées, la Exactement. O'Henry. Mais non, c'est vrai que c'est bon. Ça goûte comme le autour d'une O'Henry sans le milieu. Mais le milieu, je crois, est en nougat aussi dans une O'Henry. Donc, ça manque de nougat. Oui, clairement. Tu sais, j'aime pas le nougat tout seul, là, comme on achète des fois en magasin. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Ça goûte rien. Ah, oh, j'adore ça. Je devrais peut-être me réessayer. Tu sais, dans le temps, il y avait la bonbonnière au centre Les Rivières. Mm-hmm. Moi, là, j'allais acheter des sachets de nougat, genre, avec des jujubes dedans. Ben, voyons donc. C'était... Ah! Mes amis me disaient tout le temps, pourquoi tu manges ça? Je trouvais ça bon. J'adore le nougat. Je suis en train de finir mon morceau. Ça croque vraiment pas assez. Non! Pas de base, ça s'appelle Crisper. Ça crispe pas. Non. Mais ça reste excellent. Ça reste une barre de chocolat. Mm-hmm. Mais, pour qu'ils annoncent que c'est croustillant maintenant, bon... Et en plus, le mot CRISPR a des petites marques à côté, comme s'il avait été croqué. Tu sais, pour que ce soit comme... C'est croustillant non seulement dans le t'sais, mot, c'est croustillant, mais... tu sais, écoutez. C'est croustillant comme une barre normale, je trouve. C'est ça. C'est plate un peu. C'est très platouné. Voilà, je l'ai terminé. Mes doigts sont léchés. Moi aussi. Après avoir utilisé la souris très, très propre du studio, ça va être excellent pour ma santé. On la finira tantôt, je pense. Tu pourras la terminer tout à l'heure, ouais. Ah, tu t'en veux pas, non? C'est un carré, c'est assez, merci. C'est hein. Vraiment très sucré. C'est vrai. Les Snickers, en général, pour vrai, c'est sucré. Donc, moi, je mets mon pouce en l'air malgré l'exécution du concept qui est un petit peu raté. Je l'aime beaucoup. Je le mets sur le côté. OK, je reste en l'air. Okay. Ouais, parce que c'est encore moins croustillant qu'une crunchy. T'as raison. OK, oui, crunchy. Que Crispy Crisp, tu sais, celle qui est... Coffee Crisp avec les galettes là, Ouais. De, comment on appelle ça déjà? Ça? Gaufrette. Mais la crunchy aussi, là. La crunchy, c'est pas... celle qui est dans un emballage bleu, là, ça, c'est marqué. Ça, c'est crunch. Crunchy, non, la c'est crunch, crunchy, OK? C'est celle qui a de la tire d'érable dedans. Là, non, c'est pas celle-là, je parle de bord. C'est l'autre. Celle qui a un emballage bleu crunch. Est écrit. Ouais, c'est ça. Je la crois. Crunch. Mais crunch, c'est des petites pastilles de riz comme ça. Ouais. Et pourtant, ils craquent plus que. C'est vrai. Dans une galette de chocolat très, très mince. T'as raison. Mais je pense que c'est à cause du caramel que ça crunche. Ça vient pas. Décruncher la chose. Ouais. Hey, c'est pas fou, ça. Mm-hmm. On a une piste. Une piste de raison pour laquelle ils ont manqué leur coup. Ouais, je pense que c'est pour ça. Ouais. Donc, c'est la Snickers Crispers. Est-ce qu'il y a un S à Crispers? J'ai déjà serré mon emballage. Crisper, pas de S. Par la compagnie Mars. Donc, pouce en l'air pour moi, pouce sur le côté pour Tania. Ouais. Mais bon, le compte rendu, c'est que c'est quand même bon. Ouais. Ça se mange. Ça se laisse manger. Ça se mange. Maintenant, on est rendu à faire des nouvelles de fast-food pour les nouvelles, pour les dernières minutes de l'émission. Commençons par quelqu'un qui a appelé le 911 parce que ses croquettes de poulet prenaient trop de temps chez McDonald's. Mais non! Ouais, c'est sûr. Il y a plusieurs raisons d'appeler le 911, mais je pense que celle-là n'en est pas une. C'est 12 News Now qui dit que la police de Waco, au Texas, a reçu un appel inhabituel. C'était... Quelle est la vidéo qui joue toute seule? Je sais pas, j'allais te poser la question, Mathieu. Bref. Donc, ils ont reçu un appel inhabituel d'une fan qui disait que McDonald's prenait trop de temps pour remplir sa commande de croquettes de poulet. L'incident a eu lieu vers 23h un vendredi soir. La femme a utilisé le service au volant pour commander des croquettes de poulet chez McDonald's. Lorsque le repas a pris trop de temps à arriver pour cette femme-là, elle a demandé un remboursement. Quand les employés lui ont refusé le remboursement, parce que Colin, les croquettes s'en venaient, hein, mm-hmm. la femme ne voulait pas quitter. Donc, après avoir refusé de tasser son véhicule et d'avoir confronté les collègues de travail, un gérant de chez McDonald's a appelé le 911 pour dire que la femme était pas correcte. Fait que tu vois, l'appel, elle venait pas de la femme. Non, c'est ça, elle venait du McDonald's. C'est encore pire. Est-ce que c'était de nuit? 23h, un vendredi soir. Donc, ouais, si on veut. Les gens qui travaillent de nuit au McDonald's, on dirait qu'ils semblent toujours plus attaqués que la moyenne. Ah oui, je sais pas. Ouais, ils sont, on dirait qu'ils sont plus susceptibles. Je sais pas. Mais les médias ont quand même utilisé comme grand titre, dont sur le site de consumers.com, que c'était... La femme. La femme, mais c'est vraiment le gérant ou la gérante chez McDonald's qui a appelé le 911. Pour parler du fait que la cliente était ingérable. Donc, la police a dit à 12 News Now qu'ils étaient sur leur chemin jusqu'au restaurant lorsqu'ils ont reçu... OK. Lorsqu'ils ont reçu un deuxième appel de la part de madame. Mais là, c'est... OK. C'est quand même la gérante qui a commencé en appelant le 911. Mais oui. Puis l'autre s'est inspiré de la gérante. Assume. Fait qu'en tant que telle, c'est pas la faute de la madame qui commandait. Là. Donc, la police a réussi à calmer la situation là, et la femme a pu avoir son argent. Sauf qu'elle est partie sans ses croquettes. Ah, oh, mon Dieu, pauvre madame. Quelle histoire ridicule. Ensuite, une petite pâtisserie change de nom après des menaces légales de la part de l'avocat du Pillsbury Doughboy. Tu connais le petit Doughboy de chez Pillsbury, le petit bonhomme blanc que tu y pèses sur le nombril, oui. Il fait... Donc, une petite pâtisserie qui n'est même pas ouverte depuis un an environ. Donc, va déjà devoir dépenser des milliers de dollars pour changer son nom après que General Mills ait eu un gros problème avec leur utilisation du nom, Doughboy. Donc, ça s'appelait Doughboy's Bake Shop, nommé en l'honneur du surnom du père d'un des propriétaires. OK. C'est pas en hommage au Doughboy de Pillsbury. Non, c'est ça. Le gars, il se faisait appeler Doughboy. Donc, c'est ouvert depuis janvier. Les propriétaires ont reçu un cease and desist, comme on le dit souvent. C'est une lettre qui dit, bon, fais ça, sinon on te poursuit. Donc, Pillsbury n'a pas créé le terme Doughboy non plus. Hein. Ça existait déjà avant qu'on commence à l'utiliser dans les publicités à la télé en 1965. C'était un surnom pour des soldats américains pendant la Première Guerre mondiale. Donc, utiliser le nom Doughboy comme apprenti de pâtissier, c'était déjà la mode pendant plus de 150 ans avant que ça commence à la télé. Par contre, Pillsbury a pris son argent et a payé pour une marque de commerce pour son petit bonhomme. Donc, la marque de commerce a été transférée à General Mills lorsqu'ils ont acheté Pillsbury en 2001, ce qui nous ramène donc à la lettre envoyée à la compagnie de la pâtisserie Doughboys. Donc, ils se sentent intimidés, bien sûr, par le géant de l'alimentation. Il y a eu plusieurs communications d'un côté à l'autre. La dame ne pouvait pas se permettre un avocat pour son entreprise, donc elle a appliqué, elle aussi, pour une marque de commerce qui a été refusée. Bref, ils ont décidé de faire ça à l'amiable, dit-elle. Doughboy travaille maintenant avec General Mills pour faire quelques changements, dont remplacer les pancartes, les produits dérivés et les boîtes. Et tout ça va coûter environ 10 000 $. Le futur nom de la boutique n'a pas encore été décidé en date de l'article. Par contre, ils ont déjà quelques idées et ils font un petit concours en ligne pour essayer de trouver quelque chose. Et là, ils disent qu'ils sont super paranoïaques parce qu'ils pensent que s'ils trouvent un autre nom, quelqu'un d'autre va venir dire qu'ils avaient déjà la marque là-dessus. Donc bref, et c'est drôle parce qu'il y a d'autres compagnies, nous dit l'article ici, qui ont déjà été nommées Dough quelque chose par le passé, qui se sont pas fait poursuivre. Il y avait entre autres une pâtisserie qui s'appelait My Dough Girl à Salt Lake City. Et puis, Ah non, c'est ça. Ça dit qu'ils ont été aussi poursuivis ou en tout cas menacés de poursuite. Donc voilà, c'est General Mills, un grand... un géant de la pâtisserie qui peut pas mal se permettre de faire ça avec tout le monde. T'as peut-être entendu parler dans les dernières semaines de la folle aventure d'un sandwich PFK envoyé dans la stratosphère. Non, j'ai jamais entendu parler. Ben parlons-en, parlons-en. C'est le buzz sur Internet. Ah oui. L'entreprise de fast-food spécialisée dans le poulet frit a annoncé dès la mi-juin son intention d'envoyer un de ses sandwichs, le Zinger Spicy Chicken Sandwich, dans la stratosphère. La démarche n'est pas la plus originale parce qu'il y a d'autres compagnies qui avaient essayé de faire ça, d'envoyer des objets à 30 km d'altitude, mais PFK a décidé de faire les choses en grand. L'entreprise s'est en effet offert les services de Worldview Enterprises, une entreprise américaine basée en Arizona, pour envoyer son Zinger non pas quelques minutes ou quelques heures dans le ciel, mais 4 jours. 4 jours durant lequel le burger devait être filmé en train de se balader dans la stratosphère, contemplant de toute sa hauteur de sandwich au poulet frit la surface de notre belle planète bleue. La démarche était bien évidemment promotionnelle, mais elle a été réalisée avec énormément de sérieux. Worldview a utilisé son imposant système nommé Stratolite et a avant tout passé pour envoyer un jour des humains dans la stratosphère. Il a été utilisé dans ce cas-ci pour expédier le sandwich à 30 km d'altitude. C'est pas tant que ça, 30 km, hein, quand on y pense, mais c'est là qu'on s'en va dans la stratosphère. Ouais. Le voyage de 4 jours était une démarche inédite pour l'entreprise qui avait jusque-là testé son système que sur des durées allant de 6 à 12 heures. Mais c'est le fun d'utiliser du fast-food comme témoin à la place, de singe ou de... C'est vrai, vu comme ça. Si l'envoi du Zinger dans la stratosphère s'est correctement déroulé, l'expérience n'a pas duré 4 jours, mais plutôt 17 heures, parce qu'une fuite dans le ballon du Stratolite a en effet entraîné un retour plus rapide sur Terre. Mais Colin, tu vois, au moins, c'est pas un humain qui ment. Néanmoins, l'objectif de PFK a tout de même été atteint. Non seulement le fast-food a envoyé son Zinger Spicy Chicken Sandwich dans la stratosphère, non seulement ça, mais ensuite, oui, mais en plus, Worldview Enterprises a repoussé les limites de son ballon qui n'a jamais volé aussi longtemps à une telle hauteur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire avancer la conquête du ciel? Et merci, site web qui s'actualise pour pouvoir montrer plus de publicité. Ça me fait perdre un peu où j'étais dedans. Juste un petit peu. On vient chez McDonald's qui accepte maintenant les gens qui veulent un poste chez McDonald's via Snapchat. Ah, mais non, franchement. Oui, ils veulent engager 250 000 personnes pour travailler là cet été. McDonald's donc prend de l'expansion dans les réseaux sociaux pour attirer les milléniaux, bien sûr, en acceptant les applications via Snapchat. Donc ça s'appelle Snaplication. C'est génial. Le nom que la chaîne utilise pour ce programme-là, c'était dévoilé plus tôt cette année en Australie. Évidemment, l'hiver étant l'été là-bas. Fait que oui, c'est ça, exact. Donc, on ouvre maintenant ça aux Américains. Maintenant, pas les Canadiens pour l'instant. En tout cas, ça ne le mentionne pas dans l'article. Donc, les utilisateurs de Snapchat vont voir une petite publicité de 10 secondes d'un employé de plusieurs employés de chez McDonald's parlant du fait qu'ils adorent travailler là. Les spectateurs qui vont pouvoir swiper vers le haut, se faire amener sur la page de carrière de McDonald's dans Snapchat où ils vont pouvoir appliquer pour un emploi. Alors, restaurant local. Et évidemment, on vise les 16 à 24 ans chez McDonald's avec ça. Voilà. Wow. Ensuite de ça, on va à Seattle où le conseil de ville passe une taxe sur les boissons gazeuses, mais qui n'inclut pas les boissons diète. Ah, OK. Les taxes élevées, les ajouts de taxes sur les boissons sucrées, c'est quand même une mode dans plusieurs villes, dont Philadelphie, San Francisco, Oakland et près de Chicago, Boulder et maintenant Seattle. Comme d'autres villes, Seattle charge une taxe de plus au niveau distribution, mais ça inclura pas les boissons diète comme qui ont un additif, un édulcorant, comment t'appelles ça, là, qui est pas du sucre. Donc, le conseil de ville a voté 7 contre 1 en faveur de cette mesure-là, ce qui exempte 100% des jus de fruits, les breuvages pour la perte de poids et la formule pour bébé. Les espressos fabriqués par des baristas avec des sirops ajoutés, des sirops de saveur, à l'origine étaient exemptés, mais maintenant, ils vont explicitement être inclus dans la taxe. Mm-hmm. C'est ça, dans la taxe. Donc, le Seattle Times dit que les membres du conseil de ville pensent que la taxe ne devrait pas inclure les breuvages caféinés, mais ce n'est pas clair dans le texte tel qu'il se propose présentement. Bref, tout ça pour dire qu'à Seattle, la taxe va être de 1,18$ pour une bouteille de 2 litres, 1,18$ de plus, et les boissons diètes ne seront pas incluses, comme on l'a dit. Ça a causé un petit peu de controverse dans le conseil de ville qui notait que les gens qui buvaient des boissons diètes étaient généralement plus riches et plus blancs, voulant dire que la taxe tomberait sur les pauvres et sur les gens de couleur à Seattle. Ouais, mais en même temps, c'est du sucre, puis c'est ça. Bref, faites-vous donc votre propre opinion là-dessus. L'article est vraiment plus long que ça. Il y a plus de détails sur assemblagerequis.com. J'aimerais qu'on fasse quelques nouvelles de plus avant de se quitter. Pour commencer, des enfants qui ne sont pas des experts en pâtes. malgré tout. Pourquoi est-ce qu'on devrait respecter les enfants comme experts culinaires? C'est une publicité récente de la marque de sauce Prego de Campbell qui utilisait un écran séparé d'un enfant de 12 mois qui était représentant des enfants qui prenaient part à un test de goût. Donc on marquait à l'écran que c'était des experts de pâtes depuis toute leur vie. Tu comprends? Donc, Miscan, qui est la compagnie derrière Ragout, la marque présentée comme étant inférieure et qui valait même pas la peine d'être dompée sur la tête d'un enfant dans la publicité, a fait une plainte à la National Ad Division, une entité qui enquête. C'est géré par le Council of Better Business Bureaus, le célèbre Triple B. Bref, la voix dans la publicité disait que la majorité des utilisateurs, des gens qui mangeaient du Ragout, la marque Ragout, préféraient Prego dans un test de goût. Le petit caractère disait en fait que les participants au test avaient 6 ans et plus, alors qu'à l'écran, on voyait des bébés. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, les représentants de chez Campbell Soup Company ont dit au NAD que le test de goût montrait que dans un groupe d'enfants dont les familles avaient récemment mangé de la sauce ragout à la maison, 65% avaient préféré Prego et 30% avaient préféré ragout. Donc, la publicité montrait côte à côte, un côté de l'autre, des bébés. C'était supposé être juste drôle pour eux et non pas une représentation de vrais tests de goût qui auraient été faits avec de vraies règles scientifiques ou autres. Donc, son compétiteur et le panel du NAD n'étaient pas d'accord. Donc, le test de goût est supposé être légitime et il faut faire les choses correctement dans une publicité parce que c'est un... Il y a des règles dans la publicité. Ouais, mais c'est sûr. Il y a des règles. Donc, Campbell a dit dans un communiqué de presse que la compagnie va tenir compte de l'opinion du NAD en développant ses futures publicités. Ils disent qu'ils remercient sincèrement le NAD pour avoir enquêté sur cette chose-là. Évidemment, il faut qu'ils soient gentils avec eux. C'est l'entité réglementaire de la publicité. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Ça va être tout pour cette chronique d'une grosse pointe d'adresse. On va faire d'autres nouvelles fast-food la semaine prochaine, comme à chaque semaine. Et on va goûter, la semaine prochaine, je l'ai dit, on va goûter à quelque chose de très, très enfantin. Mm-hmm. Donc, on va, nous aussi, être des enfants, sauf qu'on se dira pas experts, nous. Ah, mon Dieu! On se dira pas experts. On n'est pas des experts. Pas des petits pois. Pas des petits pots. Des petits pots, non, mais ce serait le fun, hein? Ah, je pense que je vais vous laisser goûter, les gars. Non, en fait, on sera pas bébé, on va être, je dirais, pré-adolescent. OK. Environ la semaine prochaine. Je dis pas plus d'indices que ça. D'accord. On regardera ce que ça donne la semaine prochaine avec, j'espère, David Ferron. Je vais essayer de le convaincre de venir goûter ça avec nous parce que je trouve ça le fun. Mais nous, pour l'instant, ça va être la fin de l'émission de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct. On est les jeudis entre 14h et 17h. Après nous, à 17h, ce sera la rediffusion de Rock Révélé. Et puis plus tard en soirée, le baseball, les aigles contre les... Capitale de Québec. En direct de Québec avec Simon La Liberté. Exactement. On repasse les samedis entre midi et 15h. Après nous, c'est la rediffusion de la semaine passée, de l'autre semaine avant, dans Piste avec Tania Baudin. C'est la même chose que ce qu'on s'est dit la semaine passée. Oui, c'est ça, exactement. T'étais pas là. Hein? Non, mais tu vas être avec nous l'autre semaine d'après. Par contre, parce qu'on va être en direct, en rediffusion, pardon, pour Assemblage Requis entre 11h et 14h les mercredis. Et après nous, tu vas être en direct avec une nouvelle édition, première en 3 semaines, genre. Oui, exactement. Ouais. Du côté de Mirabel, il y a la course de NASCAR Pinty's. Donc, c'est sûr qu'on va en discuter. Puis, on va probablement avoir une entrevue aussi. Ça va être le fun, ça. Donc, c'est à En Piste avec Tania Baudin. C'est Baudin. Oui. Baudin. Mercredi Baudin. À 14h. Et moi, je vais être là à 15h pour le Mathieu Plancho avec des choses geeks et de la technologie et plein de choses comme ça. On se quitte avec une pièce de Dilarama. C'est nouveau sur le palmarès francophone. On se dit un bon début, là, vraiment l'été, vraiment entamé. Oui, là, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voici saison estivale de Dilarama. À la semaine prochaine. Merci, Tan. Bye, tout le monde. Merci, Mathieu. Mais on était high. fin de la soirée. Oh,